ça. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Bonjour. Live impromptu, parce que pas annoncé, mais voilà. C'est Changelin, l'épisode 3. L'épisode 2 est pas encore visible, mais voilà, on y travaille. Avec les petits elfes de maison. Dorby. C'est ça. La table au complet, hein, comme d'hab. Tips, Chucho, Lawekal et Axel. Sur les starting blocks. Yo. Et, vroom, vroom. Ouais. Au meilleur de leur forme. Au top. Pour le moment. Alors. petit récap de la session précédente. Eh bien, fuite de la ville de Monroe, lieu qui a vu sortir de la haine au Changelin. Fuite puisque menace des hommes en noir. A priori, non, il n'y avait pas de logo, rien en fait, hein, sur ces fourgonnettes. On ne sait pas qui c'est. Rien vu du tout. Ouais. Oui, enfin, on a quand même des doutes. Hein. Effectivement, oui, donc les doutes reposent sur deux points ouvrir les guillemets. Baxter. Voilà. Ces petits bâtards. Les gens qui ont expérimenté sur nous n'ont pas suivi. Parce que ça pourrait être quelqu'un d'autre, mais ça commencerait à faire beaucoup de gens qui nous courent après quand même. Ah ouais. Ouais. Ce qui ne m'étonnerait pas plus que ça. C'est ça. Toi, t'as jamais eu des chiens de l'enfer au cul encore? T'as pas eu de la chasse sauvage? Ok. Qu'est-ce qui se passe? Okay. Non, je sais pas, j'ai pas l'impression que le live soit lancé. Si, si c'est bon. C'est bon, d'accord, bah, c'est juste moi. Zébardi. Non, bah ok. Donc, oui, il y a eu. Et puis l'arrivée hein, de William, donc le quatrième larron. Lugubre, William. Apparemment, je fais peur. Apparemment, je fais peur, oui. Bah oui, en plus, tu comment dire, tu tortures notre pauvre petit Sean. Regarde ce jeune fan. Ça se paiera. oui, donc, la fuite s'est opérée. Donc, oui, ces hommes en noir menaçants. Fuite par la porte du frigo, classique. Direction la haie, mais direction la haie, la dangereuse haie qui fait la frontière entre le monde réel et l'Arcadie, au niveau de Monroe, a priori, est dangereuse parce qu'elle elle réagit à cette intrusion forcée qui s'est passée dans le centre de recherche, là, tout proche, en multipliant les prédateurs et les piège naturel dans son épaisse comment dire dans son épais nœud de d'épines. J'avais pas pensé à demander, mais oui. La première fois qu'on est arrivé du coup dans le centre ou en tout cas vers le portail qui nous a fait qui nous a vu nous faire capturer, est-ce qu'on avait vu des traces d'intervention humaine de l'autre côté de la haie, du côté faérique, ou pas du tout? Ouais, je pense que vous aviez vu des coupes manu militaro, presque même un peu des marques d'incendie, comme si on avait chimiquement, genre napalm, quoi, tu vois, un accès dégagé vers cette espèce de porte de prison, la petite, où il y avait un équivalent de pourtour technologique, un peu à la porte des étoiles, mais en façon tout petit. D'accord. Et puis, moult lumière pour attirer les papillons que vous étiez. Ouais, et petite musique. Ouais. Ok, et donc j'ai vu aucun humain traverser la porte moi, pendant ta veille. Si, peut-être as-tu vu. Alors, est-ce que je les ai gardés quelque part, ces visuels là? Ouais, les scaphandriers là. Ouais, les espèces de gus bizarrement accoutrés là. Donc, tu les as peut-être vus faire une ou deux sorties, prendre quelques échantillons, ces gus là. Ok. Voilà, bon. Mais bon, facile, salut Parabellum. Enfin, pas si dur de s'échapper lorsque l'on a une monture fantastique et féerique, n'est-ce pas? Oui, enfin, on va dire que j'ai dépensé pas mal de points dedans. au moins, elle aura servi. La méta. Il est où ton visuel de monture? Je l'ai déjà viré? Non, non. C'était bien investi. Et puis Elaine, hein, qui est bien capable de crapahuter seule, elle. Bon, bref, vous avez retrouvé un nouvel accès. Donc, en fait, vous avez désormais... Enfin, vous savez que Monroe est déjà pétri de passages, ce qui peut être assez inquiétant pour les habitants sur place. Donc ça, je vous l'ai mis dans le sous-dossier Faikwamish. Je commençais à lister. Hein. Monroe, vous voyez, il y a de multiples portails dans et autour de la prison. Donc, ce qui promet de sacrés trucs pour les prisonniers. Un portail dans le frigo du pavillon jaune, qui mène dans un dangereux cratère, et l'arche de pierre du manoir abandonné, qui vous a vu ressortir, vous. Vous avez passé la nuit, du coup, dans cette ruine. Enfin, pas passé la nuit, vous êtes reposé. Avant, finalement, d'aller à la pêche aux informations dans la ville, et puis de, finalement, prendre un bus, accompagné de Sean, et pour... Seattle. Ouais. Donc la chronologie faisait que vous y arriviez en soirée, quoi. Et donc ce bus, je pense, peu usité en soirée. Surtout, vous avez dû prendre le dernier. Hein, peut-être quelques fêtes. Non, mais non, il n'y a pas de fêtard à Monroe. Qui irait foutre à Monroe. Question. Peut-être des jeunes qui allaient vers Seattle, non? De quoi? En boîte de nuit. Ah oui, ouais, effectivement, ouais. Peut-être quelques groupes, mais bon, au final, il n'y avait quand même pas grand monde. Mm. Et donc, vous êtes arrivé depuis les terres, quoi, le nord-est, en direction de la côte, donc pacifique, à l'approche de la ville. Je pense que certains ont eu un petit pincement au cœur à la vue de panneaux tels que... T'es quoi? T'as sûrement vu un petit panneau vu que t'es passé par le hub nord de Seattle là avec le bus pour Tulalip, hein, donc la réserve indienne toute proche qui occupe une petite baie et où ben tu as laissé ta famille et il y a, tu l'as compris, désormais 20 ans de cela. Ça picote. Ah oui, ça picote. Hein. Ça chatouille à son petit cœur quand j'ai vu le panneau. Nous fait pas une crise cardiaque tout de suite, le vieux. Hein. Et alors que vous passiez l'un des ponts sur le grand lac Washington pour rejoindre le centre de la ville, je pense que vous êtes monté sur les collines du quartier de Queen Anne. Et du coup, vous aviez une petite vue plongeante sur un autre quartier un peu plus bas, qui est celui de Broadview, n'est-ce pas? Et c'est celui dans lequel il y avait ton pavillon à toi, William, donc qui habite. Ouais. Qui avaient été les résidences. C'est ça. Et Queen Anne, d'ailleurs, qui devait être le quartier. Mais peut-être étais-tu trop petite un peu pour identifier, si tu n'en vois pas le nom, Alice, quartier Rupin, de grandes bâtisses et des propriétés, bénéficie d'une vue imprenable sur la ville de Seattle. Et un cadre un peu privilégié, sécurisé. Donc, en bus, voilà, vous avez. Parcouru le centre-ville assez rapidement et puis pour tracer au sud visant dans un premier temps un hôtel dont j'ai oublié le nom et que j'avais pas noté. Attends, je qui n'a pas... Ah, de Fairmont, ouais. Fairmont Hotel, si je l'avais noté. Donc un hôtel mal famé, enfin pas mal famé, mais au standing discutable, l'hygiène discutable aussi, mais qui du coup assez peu regardant sur ses clients, sur l'identité de ses clients, et donc il se situe au sud de la ville, à la lisière du grand quartier industriel, où donc des ports marchands, et puis il y a aussi un immense aéroport qui s'étend non loin. Donc voilà, un endroit où les nuits sont troublées de multiples bruits de moteurs et autres cris dans la rue, hein, de victimes. On est dans une ville américaine, faut déconner. Et et si je dis pas de bêtises, on en était un peu là. Sean est avec vous, vous avez loué deux chambres, vous avez un petit pécule retiré sur le compte en banque de Sean. Donc votre allié humain qui ne sait plus trop ce qu'il attend, mais Il est à peu près aussi paumé que vous, en fait, quoi. Vous savez qu'il a un peu de famille en ville, on avait mentionné son ex et son frère. Voilà, et vous-même, vous avez quelques contacts, mais qui datent pour la plupart, ou alors... Ouais, voilà, on en était là. Donc, déjà, voyez-vous des choses que j'ai oubliées ou des questions que vous auriez. Ah, si. Mon Dai Katana, du coup. Putain. Non, bon, blague à part, non. On a eu quelques infos en plus. Je sais pas si t'as évoqué le fait qu'on ait une visite pendant nos sommeils respectifs. Bah non, effectivement. Donc, oui. Inquiétude potentielle. On en a pas parlé dans le résumé. Ouais. Donc premier signe, c'est-à-dire que jusqu'ici c'est vrai, ça vaut le coup de le... pour ce qui est des grands axes hein, qui se dégagent en deux parties. Pour l'instant, vous avez le mystère d'avoir des gens qui vous ont remplacé. Le mystère de qui sont ce groupe Baxley. Voilà. Et par contre, vous aviez fui depuis un certain temps, mais vous n'aviez jamais trop souffert de la poursuite que de vos maîtres. Plus de contacts. Putain, ça y est, des formations professionnelles de Blood Bowl, c'est terrible. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est la première fois, en tout cas, qu'ils se manifestent. Une nouvelle de nos maîtres, quoi. Ouais. Ils se manifestent, et du coup, a priori, ils ne vous ont pas oublié, pour certains. Alors, bizarre, hein, Alice, que le tien ne pas chercher à établir le contact. Bizarre, mais pas non plus dramatique, dans le sens où... Alors déjà, je suis ravi de ne pas avoir de nouvelles. et d'autre part, il n'y a aucune raison qu'ils soient coordonnés et qu'ils viennent nous voir tous le même soir. C'est vrai, mais il y a de quoi se poser des questions, quand même. Ouais. Je les regarde avec un air interrogatif par rapport à cette remarque. Donc ce soir-là, je pense que vous êtes regroupés dans l'une des deux chambres que vous avez louées, en train de discuter de la marche à suivre, sûrement fatigués hein, par les événements. Bah quoique non, vous avez dormi l'après-midi. Oui, on va être plus, un petit peu d'équerre cette nuit. Peut-être Sean, lui, est-il au bout de sa vie. Il n'arrête pas d'avoir des pensées de ce qu'il laisse derrière. Et il se demande un peu ce qu'il vient foutre ici. Il se dit qu'il devrait prendre un bateau. C'était quand même un gigantesque port, Seattle. Et qu'il pourrait partir vers l'ouest, vers peut-être la Chine ou que sais-je. C'était peut-être un peu excessif. Ah, mais vous avez vous rappelez des nouvelles que m'ont rappelé là William et Elaine. A priori, je suis recherché dans le comté de Monroe. Pour l'agression du shérif, ou en tout cas, j'y suis lié d'une manière ou d'une autre. Oui, mais on va attendre que les choses se tassent un petit peu, et puis c'est forcément comme témoin qui te recherche, allons. C'est quand même toi qui as appelé la police pour dire que des gens lui cherchaient des... Comment ? Lui cherchaient des noises, oui. C'est vrai, ça, Alice, merci, t'as toujours le mot pour me rassurer. Je pense que tu devrais peut-être te reposer, Sean. Je crois que t'en as besoin. Oui. J'ai vu qu'il y avait un petit peu d'alcool dans le minibar. Est-ce que... C'est bonne idée. C'est toi qui paye, de toute façon. Ce que j'allais dire, hein, qui boit paye. Ah oui, je vais quand même lui... comment je lui promets de le rembourser largement pour ce qu'il nous a offert. Merci, Je me fais pas trop de soucis pour ça. Je suis sûr que vous avez sûrement une espèce d'agence de super-héros ou quelque chose. Quelqu'un, quand même, qui vous soutient. Oui. Bien sûr. Bon, bah, il est déjà dans le whisky. Ah, moi, tu vois que... quand Axel dit ça, je prends une mine déconfite parce que... Axel ? Pardon. Oh, la suspension d'incrédulité, un coup de fusil à pompe. C'est pas ton prénom, Hélène. Avec deux LE à la fin. Hélène, Axel, E. Non. En tout cas, tu vois, Alice, que... comment il s'appelle, Jasper, a l'air de se repaître des soucis de Sean, puisqu'il lui reste dans les pattes et à lui ronronner sur les genoux quand il peut. Il ne le quitte pas d'une semelle. C'est vraiment une saloperie, ton chat. C'est un truc de fou. Comment ça? Il essaye que simplement de le réconforter. Oui. Allô, mais il t'a pas vendu à ton maître en plus. Bref. Donc nous sommes dans cet hôtel au troisième étage d'un hôtel qui en fait une dizaine dans un vieux bâtiment. Il doit y avoir quand même pas mal de chambres. Je sais pas trop quel peut être le public. Hein. Des couples qui cherchent un peu de la discrétion, des gens qui ont simplement pas les sous pour passer la nuit dans un hôtel plus... Des ouvriers, peut-être sur un chantier quelconque, sur la zone industrielle, enfin voilà. Mais les gens sont pas trop regardants et tiennent à leur tranquillité, ils viennent là pour ça aussi. Il est tard dans la soirée ou pas? Ouais, le temps que vous soyez arrivé, il doit être bien 23h, ouais. Mais il vous reste une partie de la nuit, vous êtes en forme, hein, après... On peut peut-être commencer à voir les gens qui nous ont remplacés, histoire de... d'évaluer. À 23h ? Bah, moi, j'étais un peu tard, mais... ce qui est possible de faire, c'était d'aller voir à l'hôtel de William, voir s'il n'était pas en poste, justement, à cette heure-là. Dans un hôtel, il y a des chances qu'il soit en poste. Oui, c'est une bonne idée. Bah, de toute façon, il faut bien que je sache aussi si j'étais remplacé ou pas. Bah, apparemment, ouais, vous l'avez été, donc je vous avoue, j'espère que j'ai pas eu cette malchance non plus. On peut au moins essayer de rester en planque devant l'hôtel, voir si on l'aperçoit. Habituellement, il y a 4 ans de cela, William, toi, tu t'arrivais de faire des soirées, des nuits, c'était tournant, comment ça se passait? Au niveau du boulot, oui, c'est même peut-être pour ça aussi que, j'en ai peut-être pris plus même les dernières années, vu que je me suis retrouvé un peu divorcé, donc un peu. Oui, et puis elle prend juste son temps, c'est tout, et elle reviendra. Ah, vous faites une pause. Ah ouais, c'est ça. Une pause. En termes de moyens technologiques et le masque vous protège, mais vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas d'habit vraiment de rechange ou quoi. Vous avez un téléphone portable volé par Elaine, mais qui n'est pas craqué, quoi. Donc elle peut simplement, tant qu'il y a de la batterie, regarder l'heure et la date, quoi. En gros, hein, pour l'instant. Ah ouais, faut qu'on trouve un taxiphone ou un truc comme ça. Voilà, en termes en termes d'armes, qui a quoi? On a Tekoa qui a un taser avec quelques recharges. Et puis Elaine de multiples couteaux. Couteau et scalpel. Elle a commencé une collection. Et par contre, Alice et William, vous êtes à main nue, hein, c'est ça, pour l'instant? Franchement, avec une arme, tout ce que je risque de faire, c'est de me blesser. Donc, Non, non, c'est une question. Okay. Oui, non, moi, j'ai rien d'autre non plus. Ok, donc qui est de la sortie pour aller regarder donc on veut l'hôtel dans lequel tu travaillais est un hôtel très réputé de downtown Seattle, proche du quartier, à la limite entre le quartier des affaires et le quartier touristique qui s'appelle... Attends, on va commencer. Hein. Pike Place Market, donc c'est le quartier qui a une espèce de promenade le long des quais, mais qui est clairement aménagé. Là, il n'y a pas de bateau autre que à destination de petites croisières dans la baie, ou quelques petits bateaux aussi de radeaux, trois yachts, des piers, là, je sais pas comment on appelle ça, des grandes avancées sur pilotis en français, je sais pas comment. Ah, des... oui. Où il y a, par exemple, la fameuse, il y a une roue, une grande roue, des restos en pagaille, deux, trois clubs, des endroits où passer un bon moment. Enfin, c'est un lieu très réputé. Donc à cheval, type building de verre, hein, il s'appelle le Grand Pacific Hotel. Il doit aligner 3 ou 4 étoiles. Et vous pouvez. Alors, qui en est de cette sortie? On y va tous, non? Ouais, je pense. On y va tous parce que si on veut. Enfin, si on veut vraiment avoir le maximum de chances de repérer le potentiel remplaçant de William, okay. Peut-être qu'il faut qu'il y en ait qui monte la garde devant l'hôtel, peut-être d'autres par l'entrée de service. Enfin, oui, je pense que ça peut être bien qu'on y aille tous. Okay. Par contre, j'apprécierais qu'on passe par la grande roue après. Par pourquoi? Bah parce que ça fait longtemps que je l'ai pas prise. D'accord. Meilleure raison. Et... C'est bien qu'on achète des téléphones, non, chacun? Oui. Pas des trucs high-tech, mais au moins qu'on puisse se joindre un peu tout le temps. Oui. Ouais, enfin... Tu penses que ouais, ça coûte pas trop cher, enfin... Bah des téléphones BIC, ça coûte rien. Ah, ça ne doit pas exister là-bas, mais le même genre, quoi. Téléphone jetable, là. Oui, des trucs un peu... Bon, J'essaierai de vous faire de l'argent dès demain. Ah, chouette. Ah. Ok, donc pour aller de... Nuit, alors, je sais pas si vous avez vu, j'ai mis à Seattle, bon, il y a quelques districts détaillés, mais je pense qu'on va pas trop rentrer dans la géographie réelle de la ville, parce que on la connaît, enfin, personne de nous la connaît trop. Petit à petit, on va rentrer un peu dans les détails. Je vous ai lié une carte, mais un lien, c'était la carte que j'avais partagée sur Seattle, donc c'est un lien pour l'afficher simplement, parce qu'elle est beaucoup trop grosse pour Roll20. Où il y a beaucoup de quartiers. Ouais, il y a beaucoup de quartiers, et je trouve pas le quartier du l'hôtel. C'est à la limite de l'Industrial District, en fait. Ouais, ah oui, ok. Tu vois, la grosse partie grise, la partie à la frontière nord, vers le Pioneer Square. Là. Ok, d'accord. Vous êtes quelque part par là, vous êtes pas très loin de downtown, en fait. Hein. Du coup, y aller, effectivement, voilà, vous êtes si peu loin que vous pouvez y aller à pied. Chaque sortie pour l'échange là peut être l'occasion de refaire le plein de glamour. Oui, l'occasion d'interaction. À des endroits où les gens s'amusent. Ok, c'est pour ça la grande roue alors. Okay. Aussi, oui. Par exemple. Ou les quais des amoureux, peut-être, ou que sais-je. Oui, ça marche aussi. Vous pouvez aussi prendre, il y a le métro, et puis des bus, des Uber, des taxis, mais bon, là, vous êtes sans le sou. Donc sur la route, vous arrêtez dans une espèce de supérette de nuit pour acheter quelques burners, on appelle ça là, des téléphones. Ouais. Donc vous en achetez 4 en chacun, moi. Bah je pense, oui, ça pourrait être utile. Ok, c'est qui le banquier là dans l'équipe? Sean. Il est pas là. Relou, bande de relou. Il est pas là. Banquier. De toute façon, il a retiré de l'argent en liquide. Il nous a filé le liquide. Oui, oui. Non, c'était pour qu'on garde le compte. Hein. Oui, oui, bien sûr. Dernière fois, j'avais. Moi, j'avais noté. Il nous restait $125 de ce qu'on avait récupéré. Et plus l'argent de Sean, il avait retiré $500. Un truc comme ça. Voilà, c'est William le banquier. Ok. Là, il y en a pour 80, 20 balles le burner. On s'en souciera plus tard pour ce qui est de du crédit. Vous approchez du coup de ce magnifique hôtel à proximité des grands buildings de bureaux dont on laisse les lumières allumées parce que nique la planète et en pleine nuit. Et puis, ça doit être assez calme, là, même en plein été. Il n'y a pas trop de clubs à downtown, hein. Bureaux et grands hôtels. Donc, une grande avenue centrale, bah, tout est éclairé. Il y a quand même 2-3 voitures, taxis, etc. Mais le rez-de-chaussée est visible depuis où vous êtes. Il y a une espèce d'avancée couverte avec deux grooms qui n'ont pas d'habits particuliers autres qu'un beau costard et qui poireautent, quoi. William, tu reconnais des têtes, sûrement l'une des deux, peut-être il y a un nouveau, voilà. Et puis à l'intérieur, tu devines un petit balai, ou en tout cas le grand comptoir. C'est très, c'est très récent, hein. C'est pas un vieux hôtel. Enfin, tu voulais, je peux te... laisser le choix. Tu voulais qu'il ait une couleur particulière, cet hôtel, à l'ancienne, ou que ce soit... Non, je pense que c'est plus quelque chose... Un Ritz ou un Hilton, un truc comme ça, quoi. C'est quelque chose plutôt récent, mais il y a peut-être, à l'intérieur, tu sais, t'as peut-être un côté lounge, un peu peut-être à l'ancienne, tout ça, mais toi, c'est fait exprès pour le coup, quoi, mais sinon, non, c'est hôtel récent... En tout cas. Bah, il y a le grand comptoir derrière lequel les différents chefs d'état et majordomes, il doit y en avoir un ou deux pour la nuit, plus un grand hôtel. Bah ça, et où normalement bah, où je dois être aussi, parce que étant le chef d'hôtel, c'est plutôt le lieu où je me trouve, entre autres. Mais de l'intérieur, si tu te montres pas. Enfin, de l'extérieur, dur d'identifier qui est présent derrière ce comptoir. Donc je fais bon. Si je travaille, enfin normalement, soit je suis derrière le comptoir ou soit je fais ma ronde. Attendez, quelle heure ? Peut-être que je suis même peut-être en train de discuter avec les agents d'entretien pour faire le briefing. Vous avez pas moyen de voir là-bas ? Enfin, on va simplement aller voir. Moi, je veux bien y aller. Hein. T'es quoi ? Je vais te regarder de bas en haut et je fais. Alors, tu ressembles à quoi ? Ah oui, voilà, ok. Non, mais voilà, je vais poser. Je vais faire. Tu ressembles à quoi ? Enfin, c'est un peu select quand même. Oui, j'ai bien compris que mes fringues collent pas forcément avec le cadre, mais. Au pire des cas, je me ferai recaler et ils me diront de sortir, mais j'aurais peut-être au moins eu le. Mais peut-être que on peut faire quelque chose. Le temps de t'apercevoir, quoi. Tu fais comme si tu m'aidais à chercher un de mes parents. Eh bah ouais, c'est une bonne idée. On peut faire comme ça. Comme une enfant perdue. Et. Enfin, vous avez pas peur qu'une enfant perdue ramène trop. Enfin, pour l'instant, vous êtes sur le trottoir, hein, du coup, à discuter en face de l'hôtel. Est-ce que vous voulez que j'aille louer une chambre ? Bah, on reste pas statique, on marche sur le trottoir comme si on se promenait en discutant. Je pense que j'aurais récupéré. J'aurais peut-être récupéré un petit prospectus de. J'ai de la ville en mode ouais, on est touriste et. Fais peut-être semblant de chercher où on est, quoi. Je pense qu'en étant dans la rue, les gens s'en foutent totalement de ce qu'on peut faire, en fait. Ouais. Je vous situe simplement. Oui, non, mais c'est possible, mais voilà. Tout le monde flippe. Attends, mais non, mais. Ouais, non, mais. On regarde à droite, moi j'ai un truc en main, moi je marche là-bas. Non, mais moi je. Moi je flippe parce que oui, je suis en face de mon boulot et possiblement il y a quelqu'un, hein, quoi. Ouais. Allez. Ouais, de toute façon, là tout le monde est habillé avec les fringues des. Des gardiens de. C'est ça. Du centre, là. Alors. Je sais même pas quelle fringue. Non, parce que techniquement, j'ai pas de fringue, j'ai juste le. On avait chopé. Ouais, c'est vrai, toi, t'es à poil lourd. Le masque. On a un blouson. Et moi, j'ai un blouson et une casquette en attendant. Oui, c'est vrai. Fringué aussi. Mais effectivement, on peut estimer que vous aviez vos uniformes de sécurité de Monroe, mais j'espère pour. Enfin, on va dire que vous ne les aviez pas dans le bus, hein, parce que. Oui, parce que c'était cramé. Là. J'y avais pas pensé, mais. Bon, allez, qui s'y jette ? Bon, bah, allez, je vais aller louer une chambre, il y en a pour 30 secondes, attendez-moi là. Qu'en est-il de ton chat ? Bah oui, Jasper, reste avec Tekoa, s'il te plaît. Ouais. Ok. C'est pas allergique. Il me semblait que c'était ton truc, les animaux. Si, mais je suis allergique aux chats. C'est plus les oiseaux. Ah. Qui reste ici. Tout est raison. Pas bouger. Ok. Ouais. Mais de toute façon, je lui dis comment. Jasper, en mon absence, je t'ordonne de suivre les directives de Tekoa. Tu m'ordonnes. Oui. Allez. Oui. C'est ce que j'ai dit. Bon, et je prends la route. Et du coup, ouais, j'y repensais un peu. Du coup, je pense qu'il vous parle psychiquement, enfin, par télépathie. Mmh. Il ne vocalise rien, il n'y a pas de miaou. Oui, c'est mieux. Oui. Ok, et donc tu traverses. Il te rend ta casquette sur le nez ou pas, toi ? Pour l'instant, ouais, je fais genre, j'arrive incognito. Ok. Ben, je pense que, ouais, voyant une jeune femme approcher seule, C'était seul, hein. Du coup, bah, les grooms n'interviennent pas, du coup, du tout. Ils te laissent, ils te saluent, ils disent bonjour madame. Au passage, et puis oui, derrière la porte. Je fais un signe de tête et je continue. Il y a quelqu'un qui t'ouvre la porte afin que tu n'aies pas à faire usage de tes bras. Elle te voit là dans le grand hall, du coup, bah, extrêmement clair et éclairé de l'hôtel. Tu captes tout de suite le regard d'une femme en costard derrière le comptoir. Tu vois qu'il y a deux autres personnes qui sont en discussion. Ils tournent un peu le dos derrière le comptoir. Tu n'arrives pas trop à les identifier pour l'instant. Elle a capté ton regard, jeune, pour t'interroger, de savoir ce que tu veux. Pas de clients, grand espace vide, sinon des ascenseurs en bout. Donc tu te... Que fais-tu ? Bah en fait, je pense que je vais faire genre, je vais essayer de louer une chambre. Ok. Je vais bien voir si quelqu'un ressemble à, à William ou pas. Ouais, as-tu déjà vu William ? Oui, mais c'est honteux parce qu'en fait, vu qu'on on voit nos trucs, ça fait bizarre. Mais on a au moins passé du temps ensemble. J'imagine qu'on a eu le temps de se décrire un peu. Oui, de se décrire, ouais, j'espère. Okay. Tu ressembles à quoi? À un croque-mort. Mademoiselle, oui. Tu te découvres ou pas? Tu restes caché? Oui, j'enlève ma casquette, effectivement. Et puis j'essaye d'être la plus sûre de moi possible pour ne pas éveiller l'attention, en fait. Hein. Ok. Eh bien, fais-moi un jet de chance. Un jet de chance. Un des 10. Le jet de sens. 6. Mademoiselle Hall. Bonsoir. Bonsoir. Je suis là pour réserver une suite pour la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine. C'est ça, si c'est possible. Je regarde à droite, à gauche et je scrute. Vois-je quelque chose ou ne vois-je pas? Oui, je pense que du coup, hein, tu es contre le comptoir. Ouais. Il y a un jeune homme qui est en conversation avec un homme plus vieux, enfin un homme. Une silhouette qui te tourne le dos, elle, dont tu ne vois que des espèces de cheveux filasses et un cou. Qui t'a l'air fait d'autre chose que de chair et de peau, mais plutôt d'un assemblage étrange sous les vêtements de mécanismes disparates et de fils et de ressorts. Il te tourne le dos. D'accord. Et une conversation avec un plus jeune aussi. Enfin voilà, ils sont trois derrière. J'essaye de tendre l'oreille pour écouter la conversation, tout en réglant. Enfin, j'essaye de rien régler justement. Hein. J'essaye de louer la chambre sans spécialement filer d'avance parce que. Ok. Alors en termes de perception, là, c'est pas de souci. Par contre, tu vas me faire un petit jet pour noyer le poisson parce que. Ouais. C'est ma spécialité. Trouve très bizarre que tu viennes réserver en personne une chambre. Enfin, tu vois, t'aurais pu appeler ou quoi que ce soit. Oui, j'aurais pu. En plein nom, mais habillé bizarre. Habillé bizarre? Il est qui pour juger? Non, elle t'a vu, elle t'a déjà vu dans. Tu t'es pas présenté à elle, hein, pour moi. Elle connaît ton nom, elle t'a reconnu, quoi. Alors, ça va être un petit. Manipulation subterfuge. Manipulation subterfuge. Est-ce que j'investis du... Pff, non, j'en ai rien à foutre. J'investis pas. Je fais un test normal. C'est parti. Bah, ça suffit. Ça passe. Écoute, elle ne... Ouais, non, tu lui es convaincante lorsqu'elle te demande un peu, je sais pas, ce que tu as un peu inventé comme raison, ou alors non, tu la prends de haut peut-être, je sais pas. Oui, complètement, je lui dis que ça la regarde absolument pas. Si jamais elle pose des questions comme ça, je reste évasive. Ok, je débite le compte de votre père, comment ça va d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude. Et tu entends du coup la voix qui ressemble, comme deux gouttes d'eau, pour une voix, oui, allons disons ça, à celle de William, qui est en train de parler avec son collègue de problèmes dans une chambre à l'étage où il y a eu des gros dégâts suite à un passage d'un groupe de rock. On est d'accord que cette créature ne m'a pas vu du tout. Non, pour l'instant non. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me tirer, une fois que j'ai loué la chambre, assez prestement, histoire qu'elle ne me voit pas du tout, et je retourne voir mes collègues. Ok, allez, il y a un petit enjeu là quand même. Petit jet de discrétion. Ok, putain. Le personnage multicolore, quoi. Bon, allons-y. Bah c'est pour ça. Je suis littéralement multicolore et lumineux. Donc c'est Dex et puis... Dex. Ça s'appelle comme ça en français. Dex ouais, furtif. Dex furtivité, bah ouais, bah ça peut passer comme ça peut ne pas passer, quoi. Je ne vous le cache pas. On y croive. J'ai cliqué. Il a cliqué. Il a cliqué. Et il a réussi une réussite. Mieux que ton jet de baratin. Oui. Bon bah elle te salue, hein, voilà, les... puis tu reviens, tu rejoins tes collègues de l'autre côté de la rue, sauf si tu voulais faire autre chose avant. Non, je rejoins les collègues d'un pas pressant, quand on me regarde plus, limite je trottine, quoi. Ok. Bon alors je sais pas si... je sais pas si c'est quelque chose qui ressemble à William, mais il y a quelque chose clairement qui semble jouer ton rôle, William. Oui, enfin, ça me ressemble ou ça me ressemble pas, en fait. Alors, ça ressemble à une espèce d'assemblage, on dirait un mannequin ou quelque chose comme ça. Et les gens, ils remarquent ça. Ça a la même voix, et ça a la même voix que toi. Et ça semble faire ton boulot. Mais c'est bizarre, non? Enfin, si les gens, ils remarquent pas. Bah, un peu que c'est bizarre. Moi, je suis. Oui, c'est bizarre. Non, mais les... Faut qu'on interroge cette chance là. Après oui c'est bizarre mais en même temps les gens hurlent pas en nous voyant donc j'imagine que c'est lié à ça aussi. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un comme nous? En tout cas ça y ressemble non? Peut-être. Ça ressemble pas, oui, enfin après on se ressemble pas donc peut-être. Oui mais bon. Dans le sens où il y a le même phénomène, c'est-à-dire qu'on est assez pas très beau à voir et pourtant les gens hurlent pas sur notre passage. Oui. Mais... Ça dépend pour qui. Pas parler pour vous. Moi aussi, mais bon, je pense que je suis un. Il regarde. Je lui mets un coup de coude pour qu'elle arrête. Quand elle commence à tailler sur les collègues. Parce qu'après, elle se met à tailler pour de vrai. Non, après, ils s'engueulent. On peut se poser des questions pendant des heures là sur. Sur ce qui nous arrive, sur ce que ça peut être ce truc. Moi je pense que le mieux c'est d'attendre qu'il quitte son poste et qu'on le suive et que on... Ouais. Grave, t'es censé terminer à quelle heure, William? Bah ça dépend. Vu l'heure, soit je suis en fin de shift ou je suis en début, quoi. Je pense que tu sais là, du coup. Ok. Ouais, bah bon, bah. Je termine peut-être, quoi. Je veux dire, je pense que je terminerai bientôt les. Ça tombe bien. Donc voilà qui est, c'est pratique. Voilà. C'est beau. Hein. Ting, c'est beau. Ok. Sortez par une sortie de service. Oui, bah. Il y a le garage. Je pense qu'il y a un garage. Un parking perso. Quoi. Parking, ouais, parking lié au comment. Personnel. Personnel. Donc t'es en bagnole? Ouais, moi je serai en bagnole, ouais. Ouais, t'habites loin, ok. J'habite loin, il y a la prestance aussi, hein, faut le dire. Faut arriver, ok. C'est quoi ta caisse, dis-nous. Vu qu'on va la voler aussi. C'est une BMW 4 portes, parce qu'il y a les enfants. Ah, c'est beau ça, parfait, on va avoir une belle voiture pour une fois. Pas de kéké mobile, pas de mystère machine. J'ai déçu, moi. Moi, je sais pas conduire. William, est-ce que t'as mis des points en conduite? Si. Non, attends, normalement, je crois que j'en ai mis. Non, mais voilà. Non, mais je revérifie, mais j'y avais pensé. Et oui, j'ai 2 points en conduite. Donc oui, je sais conduire. Ah, bah, c'est pour ça que William est là. Hein. Ok. Donc le plan c'est comment? C'est quoi? C'est d'être présent avant qu'il arrive, de l'attendre à la sortie du parking, c'est quoi? Ça me semble bien. Et vous voulez, enfin, je sais pas, enfin si. Ah bah, non, mais c'est pour l'instant c'est notre seule piste pour avoir des réponses sur ce qui nous est arrivé. Merci joli c'est... rouge. Bah oui, je. Mais est-ce que ça a une incidence, enfin. Faut pas trop qu'on peut-être qu'on lui fasse trop mal parce que ça peut peut-être me faire mal aussi. Enfin, je sais pas. Ah, des liens peut-être, si non trouve, je... Mais qui parle de faire mal aux gens? Vous voulez simplement l'interroger? Je lève la main. Toi, regarde, là, je pense que toi, j'ai ouais. Il y a Jasper aussi vers... qui lève sa patte. Tu vois que j'ai les yeux mais... vers Hélène en mode l'habitude. Ouais, il est 23h30, tu sais que du coup ta shift, enfin t'as fait après-midi, soir, là ça termine à... Ouais, tu bouges à minuit quoi, à peu près quoi. Il vous reste... Donc selon, soit vous attendez juste qu'il passe en voiture, soit vous faites un truc dans le parking qui est sécurisé, donc il faut y rentrer quoi. Donc, Bah je vais peut-être... Juste, je vais regarder, je fais bon... On peut essayer, si apparemment je suis moi et que je ressemble vraiment à moi et plus à ce que je suis, je pense que je peux rentrer facilement dans le garage et je peux essayer peut-être de le choper, je sais pas trop comment, mais choper et mettre dans la voiture toi. Et vous rejoindre, non? Non, non, emmène-moi avec toi, promis, je ne lui ferai rien de grave, mais je m'occupe de le neutraliser. Mais il n'y a pas des caméras? Justement, une petite fille, ça passera inaperçu. Ouais, mais s'il y a des caméras dans le hall, on va voir deux fois William. Il n'a pas besoin de passer par le hall pour aller au garage, si? Non, mais il y est, là. Dans le hall. Hein? Oui, mais nous, on va pas aller dans le hall. On va aller dans le garage. Il sera à deux endroits, quoi, sur deux caméras différentes, mais oui. Ah, oui, c'est ça. Pour l'instant, il peut garder une casquette, par exemple. Regarde, donne-lui ta casquette. Je lui file ma casquette et c'est la première fois que je vois un spectre avec une casquette. C'est stylé ou pas? Elle marche bien cette casquette qui rend invisible. Ouais. C'est l'effet Superman. Alors moi je pense que du coup il y a une grosse porte automatique pour le parking avec une petite descente dans la rue sur le côté de l'hôtel. Qu'on peut ouvrir avec un pass hein, ou simplement en ayant sur soi. Donc les voituriers, la plupart du temps, ils prennent la voiture au niveau de l'entrée là et ils y vont. Donc soit il faut aller voir un des voituriers groom là, ou alors essayer de forcer la porte auto. Soit il faut passer effectivement par l'intérieur pour être présent dans le parking. Il n'y a pas moyen de passer au même moment que le. Ou ça, si. Attendre une voiture. Mais je vais demander un jet de chance. Comment il est trop bien ton jet de chance, Tim. C'est pratique. Je sais pas, je pense que je regarde Hélène qui pour savoir qu'elle ce qu'elle semble préférer quoi. Et on peut pas demander un des comment dire, un des voitures. Ah oui, t'as oublié ton badge. Ouais. Ah oui, enfin, ça m'arrive pas souvent, donc ça sera bizarre, mais ok. Ok. J'espère que tu te montres gentiment, parce qu'effectivement, peut-être que tu vas vouloir te rendre ça. Toi, je pour le coup, je rends la casquette, hein, parce que ça sert à rien d'avoir une casquette. donne-la moi, je la mets sur ma tête à moi. Ouais. On va se passer les poux. C'est ma casquette. On fait les poufs à Eric. La casquette fait Eric. Donc ouais, non, je vais aller voir les deux grooms, là. Les grooms, et et donc voir le celui-là que je connais, un peu je pense le plus ancien. On est d'accord, hein, ils sont devant la baie vitrée, et il y a ton vrai toi qui est pas si loin dans le hall. Oui, j'essaye, hein, de toute façon, on n'a pas trop le choix dans la méthode, apparemment. Donc... je vais faire... Roy, j'ai un problème, mon beeper ne fonctionne plus. Est-ce que William, tu peux me le donner vite fait Mais qui c'est que cet attirail? Mais t'as fini plus tôt? J'ai problème, enfin bon, familial, enfin... Ma femme, tu sais. Bah, toi, j'essaye. Elle a pas déménagé en Europe, ta femme ? Bah, oui. Toi, je fais peut-être en mode, mais putain, pourquoi elle est partie en Europe ? C'est ce que je te dis. Il y a des papiers qu'elle a absolument besoin et qui sont à la maison et que je dois absolument envoyer. Enfin, la galère est vraiment merde. Je suis à côté ou pas, moi, du coup ? Je t'ai accompagné ? Bah, t'es peut-être à côté, mais peut-être pas. Toi, je t'ai pas tiré la main, toi. Je me mets à octer et à faire comme si j'avais des gros sanglots. Mais c'est qui cette petite William ? Il vit dans mes mains à trouver ma maman, il m'a dit. Quoi ? Putain, mais tu me mets dans la merde. Je sais même pas comment réagir à ça. Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi, William ? Tu veux rentrer ? Vous avez faim ? Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, tu veux quoi, en fait ? J'ai donné mon adresse. Il doit me raccompagner à ma maison. Bah d'accord. Bah William, bah va. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Le beeper. Ah ! Je vais... Oui, bah tiens, mais passe par l'intérieur, il y a l'ascenseur, quoi. Oui, mais bon, c'est juste que... Bon, vas-y, hop, toi, je le prends et j'y vais. Ok. Bah, mais c'est un jeu. Fais-moi un jet de présence. Pardon ? Avec Nicolas, on n'est pas à côté, hein. Vous êtes de l'autre côté de la rue. Vous assistez au spectacle. Nick. Manipulation subterfuge, du coup, c'est ça ? Non, pour moi, là, du coup, c'est plus William qui est sous les regards et va me faire un jet de présence subterfuge. Parce qu'il prend un peu, il cherche pas à s'expliquer, quoi. Il se saisit du beeper et il rentre dans le parking par l'extérieur avec une enfant perdue. Voilà. Putain, j'ai... Voilà. C'était le moment de claquer de la volonté, hein. Donc, si tu veux, moi déjà, c'est juste, je vais te dire juste, je n'ai absolument pas compris pourquoi t'as fait ça. Ah ouais. C'était trop long, bordel. Bah, ça fout la merde. Femme. Du coup, bah voilà, il te laisse prendre un peu interdit et puis bah vous partez, vous voyez pas trop ce qu'il fait. Les deux autres, par contre, vous allez vers le, ouvrir la porte automatiquement par l'extérieur, c'est ça. Ouais. Donc vous descendez et tout. Et Alice et Tekoa, par contre, ouais, vous êtes en face. Et vous voyez les deux grooms qui parlent, qui font un conciliabule. Et puis, il y en a l'un des deux qui finit par partir assez vite en trottinant à l'intérieur, quoi. Bah, je les appelle direct. Ok. Je les appelle direct. Je crois que ils ont pas cru à ce que vous leur avez raconté. Je sais pas ce que vous leur avez dit, mais... Ah, j'ai cru t'appeler les grooms. Non, je les appelle par téléphone. Ah, putain, putain, moi, okay. Je réponds, je fais, mais... Ouais, bah, je sais pas, c'est Hélène. Non, mais en tout cas, il y en a un qui est rentré en courant, là. Ah, mais... Okay, ça sent mauvais, je pense qu'il faut changer de plan tout de suite. Merde. C'est Hélène, je sais pas, on prend la voiture et... Non, putain, on n'a pas les clés, donc fais chier. Bon, écoutez, on attend qu'ils sortent du parking. Il doit y avoir un feu rouge juste à la première avenue qu'on va croiser, quoi. Et on rentrera dans sa bagnole à ce moment-là. En fait, il y a un. Mais en tout cas, éloignez-vous de cet hôtel. Je crois que ils vont rencontrer toi à l'intérieur et ils vont absolument rien comprendre. Alice, t'allais dire un truc ? Bah, j'allais dire que cette créature, elle risque d'avoir la puce à l'oreille, quoi. Carrément. Et d'essayer justement, du coup, de fuir, plutôt que de reprendre ses habitudes classiques. Ouais, moi, faut qu'on en profite, là, il va arriver forcément, de toute façon, récupérer sa voiture à un moment donné. Bah, je suis plus sûr. Du coup, une fois le coup de téléphone reçu, Hélène et William, que faites-vous ? Vous étiez devant la porte automatique, là vous arriviez, elle s'ouvrait répondant au bip. Vous recevez l'appel de Tekoa, qu'est-ce que vous faites ? Bon, bah, je vais regarder, je vais regarder William, savoir ce qu'il veut faire. Hein. Moi, tu vois, je commence à repartir. Je fais, ouais, bah, en mode, c'est énervé et truc en disant, bon, ok, bah, on se barre. Alice et Tekoa devant. Vous voyez le fetch de William sortir en courant. Accompagné du groom, il regarde dans la rue à droite et à gauche, quoi. Et il re-rentre à l'intérieur, lui, en courant encore. Là, vous avez clairement vu qu'effectivement, c'est un espèce d'une créature amalgame de tout un tas de choses, mais les formes reconstituent quand même un faciès et une silhouette qui se tient, quoi. Quoi, Alice, je rentre à l'intérieur, j'essaie de voir ce qu'il fait, par où il s'en va. Franchement, on va se faire cramer et au pire, la sécu va nous foutre dehors. Je pense que pour le moment, c'est cuit. J'ai aucune idée de comment on peut... Continuons à monter la garde, voyons s'il sort d'un côté ou d'un autre. De toute façon, il va soit sortir d'ici un moment, soit rentrer chez lui un moment. Effectivement. Bon, je leur repasse un coup de fil hein, pour leur dire effectivement. Mais vous les avez rejoints, vous êtes où vous ? Non, nous, on est toujours sur le terrain. Non. Mais moi, pas tous, je suis pas mis. Quoi ? C'est à qui demandait si vous les avez rejoints ? Ah, c'est à nous. Ah, bah, oui. C'est ça. Donc, moi, je dis, je suis reparti pour revenir sur. De votre côté, en mode, j'essaye de te mettre, me cacher, parce qu'apparemment vous avez dit qu'on était repéré. Donc vous avez fait un petit détour, quoi. Enfin, c'est comme ça que je fais. Et comme je dis, ce que je voulais dire, c'est que vous voyez que je peste contre Hélène, quoi, clairement. Hein. Ok. Tu étais en train de te faire cramer de toute façon, alors tu peux pester, mais. La femme partie en Europe, alors que tu dis que tu étais déjà que tu devais aller faire un truc pour elle, t'étais en train de t'engluer. Mais non, j'étais pas en train de m'engluer, c'est une putain de fille qui est en train de pleurer, en train de dire que je dois l'emmener quelque part. C'est pas ce qui est encore plus chelou au monde. Mais Non. Regarde, vous voyez avoir une enfant perdue, c'est moins pire que. Et moi, on continue de marcher, hein, et je te dis, avoir une enfant perdue, c'est moins pire qu'un mec qui dit qu'il doit voir sa femme alors qu'elle est en Europe. Hein. J'ai jamais dit que j'allais la voir. Qui ressort du parking et qui remonte et qui rejoint les grooms devant. Tout le monde regarde à droite et à gauche. Donc il y a la sécu qui est remontée depuis l'hôtel, quoi. Et puis, si vous attendez quelques minutes de plus, William le fetch ressort à nouveau. Il y a un petit conciliabule. Et puis une voiture de police arrive sans sirène, hein, mais au pas, enfin, et se gare devant. Et y a un policier qui en descend et qui s'entretient avec tout le monde. Ah, mais fait que je peux rester là. S'il commence à regarder un peu plus loin, T'inquiète. Non, mais moi je. Hop, et vous voyez que je commence à tracer pour aller ailleurs, quoi. Parce que clairement, je vais pas rester devant. Les autres, qu'est-ce qui se passe ? Bon, on regarde, non ? Je sais pas. Moi, j'ai carrément pas envie de lâcher la seule piste qu'on a trouvée pour l'instant. C'est un élément de réponse, quoi. Mais est-ce qu'on est obligé de la suivre ce soir ? Parce que là, ça semble quand même très très très difficile, non ? Ouais, t'as raison. Je suis peut-être un peu trop pressé. Mais en même temps, j'ai... Je comprends rien à ce qui nous est arrivé, j'ai tellement envie de savoir. Mais oui, t'as raison, c'est peut-être plus prudent de laisser tomber pour ce soir et tenter une nouvelle approche. On pourrait peut-être aller faire le pied de grue devant chez William. Alors peut-être pas ce soir parce que il va être sur ses gardes, mais. Bon, de toute façon, si ce qu'on a commencé à comprendre. Est vrai, il nous reste encore 3 autres chances de mettre la main sur une de ces créatures. Ellipse, ou est-ce que vous voulez faire quelque chose cette nuit ? Eh bien, moi, comme je vois que l'ambiance est très tendue, je leur propose de tous aller faire un grand tour de roue. Je pense que doit y avoir une réminiscence de moi de mon passé et je dois être un moment d'excitation et me rappeler que ben, trop de nuages, mais je dois avoir mes yeux pétillés peut-être à un moment donné d'un bleu plus clair. Alors que moi je me rappelle de la même chose, juste avec les enfants qui me faisaient chier pour aller dans la roue. Toi t'as des grands enfants du coup. Oui c'est ça. Maintenant, ils ont dû grandir encore un peu. Ok. Eh bien oui, allons-y. Du coup cette roue doit tourner jusqu'à 1h du matin, je pense. Donc vous avez encore un peu le temps pour profiter de la skyline et de toutes les lumières de la ville et puis même de la lune. Sur la gigantesque baie, enfin, c'est très beau. Hein. Les touristes, bon, il y en a quand même un petit paquet, enfin, pour l'heure qu'il est, parce qu'on est du coup en plein mois de juillet, et la température est assez clémente pour Seattle, ce qui est pas si courant. Et du coup, oui, vous devez voir quelques couples, des fêtards, des touristes qui se sont fait une petite sortie nocturne. Vous passez pour une petite famille, en fait, hein, vous, j'ai envie de dire. Et puis, oui, est-ce que quelqu'un veut tenter, du coup, de s'approcher de, je sais pas, de trouver une source potentielle de glamour, c'était ça ton... Clairement, ouais. Et je pense que ça nous ferait peut-être du bien de nous détendre un petit peu. Ouais, bah, je sais pas, j'imagine qu'il y a peut-être des magasins ou des petits stands non loin de là pour acheter des trucs et des conneries. Oui, il y a tout ça, et puis plein de street food dans une ville qui ne doit pas dormir tout le temps. Enfin, donc oui, ouais, il y a plein de choses. Après, c'est pas vraiment ambiance fête foraine parce que c'est un peu trop clean, si tu veux. Ouais, je comprends. Ouais. C'est quand même des grandes enseignes, des grands restos, des grands bars qui ont ouvert, mais il y a des petits estancos street food, ouais, le long de gens qui ont ouvert leur truc indépendamment. Je pense que je vais prendre un max de sucreries, puis qu'après je vais faire un tour de roue, et puis je vais essayer effectivement de refaire un petit peu le plein de glam positive. Alors, il faut que tu trouves quelqu'un qui kiffe, quoi, et engager un rapport social avec lui, ou en tout cas pour lui extraire un peu de glamour. Du coup, qui est-ce que... Tu verrais là, ça peut être un couple, ça peut être un, je sais pas, quelqu'un qui a l'air extatique avec un sourire, un allumé, un mec bourré qui vit sa meilleure vie, je sais pas. Je vais essayer de trouver un couple qui vit sa soirée romantique et puis leur proposer de prendre une photo parce qu'ils ont l'air trop beaux ensemble. Oh, ok. Arrgh, c'est trop beau. D'ailleurs, qu'il faut un bisou. J'essaye de faire une photo ultra stylée, bien sûr. Ah, mais t'es avec quoi? Avec ton... Pour eux? Avec leur appareil photo? Oui, bien sûr. Ok. Alors, la récolte. Je crois que c'est la façon la plus gentille dont on ait jamais récolté du glamour. Ah, je te confirme, et puis ça va changer juste après, tu vas voir. Mais c'est trop dark, en fait. Bah, faut voir nos émotions préférées, c'est fait. Ça. C'est ça, le truc. Bah, l'émotion que j'ai, c'est la peur. Donc désolé, non, alors, ça sera jamais... je sais qu'on peut faire toutes les émotions, mais c'est plus facile quand c'est la nôtre. C'est un plus efficace. Cas de réussite. Quoi. C'est ça, plus efficace. Donc, c'est pas plus efficace. C'est un plus, hein, en cas de réussite. Oui, c'est ça. Donc c'est plus efficace, tu en reprends plus. Ouais, moi, je trouve que ça vous ferait pas de mal, vous avez l'air un peu tendu. Ils ont toutes les raisons du monde. Attends, merde, j'ai pas retrouvé action spécifique au changement. Sont toutes les raisons du monde. Non, ouais, c'est oui, oui, chose. Effectivement, on est dans une situation très compliquée. Est-ce que en plus, on doit tout le temps tirer la gueule? Ah bah, ouais, ça c'est. Bah moi, clairement, je viens de découvrir que j'ai quand même un double. Enfin, c'est mal passé. Donc clairement, moi, je pense que je tire la gueule. Je dois encore faire plus peur que d'habitude, quoi. Je pense que, il nuit à mon flou depuis. Moi, le fait d'avoir manqué cette occasion d'en apprendre plus. Je tire un peu la gueule aussi, puis je vois William dans le même état que moi. Je lui propose un petit whisky, il doit y avoir un stand ou une buvette ou un truc comme ça. Ouais. Ok. Oh, ça fait une soirée à 40$ tout ça. Ouais, bah faisons le truc d'Ali. Je propose un... 40$ pour deux whisky. Ah, et la grande roue. La grande roue, ma barbe à papa. Attendez, j'essaye de. Parce que j'ai un petit doute si des fois on peut intégrer le weird ou. Bah non, ça serait con d'intégrer le weird dans une récolte, je sais plus. Non, je crois pas. On ne l'a pas fait la dernière fois, je crois, non? Je peux venir avec toi, Elaine? Bon. Pff, Alice, pardon. Alice, oui, c'est bien sûr, elle est complètement psycho. Elle est psycho. Ah, mais allez, quoi? Ok, je lui file ma barbe à papa. Enfin. Ah, oh, bah, je suis content. Hein. Je suis content. Je pense que je suis content de petits plaisirs, vraiment des petits plaisirs de l'époque. On a dit Ok, 40 donc. dollars à la soirée? Oui, non, mais c'était pour le tout compris, quoi. C'était parce que vous consommiez quand même. Ah oui, non, mais Dans un c'est pour quartier ça. politique, c'est pour ça. Alors. Eh bien. Sur quoi je te fais jeter? Mais j'en sais rien. L'empathie? Oh bah ce serait pratique. Empathie, c'est pas vraiment de la manipulation. Si, Peut-être de non. l'expression, hein? Bon, présence. Oh, il me faut un attribut. Pardon. Bah Présence, c'est bien. Présence, empathie. présence. C'est-à-dire que tu prends simplement une photo, tu constates leur bonheur, quoi, et Ouais, voilà. Puis je constate et puis j'essaye d'ailleurs de l'encourager par cette proposition de photo, etc., etc. Ouais, toi, t'as pas de point de récolte classique. Non, parce que j'ai une spécialité pour récolter du glam dans les rêves et on n'est pas dans un rêve. C'est parti. Oh, Ah, zut. c'est mieux Un pour rien. petit point, un petit point. C'est mieux pour rien. L'important, c'est de passer une bonne soirée. Bon, personne te reconnaît hein, dans cette interaction. Ben, c'est normal, j'ai ma casquette. Ah bah oui. Comme dans les films américains. Qui d'autre voulait peut-être Moi, j'ai envie Kenna. d'essayer d'aller faire des jeux d'adresse et d'impressionner les participants et de me vanter un Alors, petit peu. il y a une grande roue, hein, mais c'est pas une fête foraine. Ah. C'est vraiment une grande roue de ville, tu vois, d'un lieu touristique. Alors après, peut-être y a-t-il un bar où il y a un jeu de fléchettes hein, pour pas t'emmerder. Oui, éventuellement. Alors les bars américains ils sont chiants. Putain, une enfant à cette heure-là. C'est les C'est touristes, 21 ans pour boire de vous êtes l'alcool. européens. Ouais, pour rentrer dans le bar, ça va? Je sais plus. J'en sais Ah bah, rien. On va ah dire que comment ça oui. va? On va dire que ça va. Non, mais sinon, je vais voir des gens qui ont une barbe à papa, tu vois, un enfant, un machin, s'il y a des gens qui traînent. Oh, regarde, il a fait tomber sa barbe à papa, tu vois, histoire de provoquer l'ire des parents. Je voulais être sympa, mais tu me forces à faire un truc pas gentil. Voilà. Moi, je te force à rien du tout. Si, monsieur. Non, tu es. Ok. Bon, redécris-moi ça. Comment ça se passe? Tu t'adresses à qui? Tu t'adresses aux parents? Bah, aux alentours, tu vois, genre, oh, tu vois, peut-être presque à si Alice est là, à Alice, tu vois, en disant bien fort, regarde, il a fait tomber sa barbe à papa. Ah, elle avait l'air trop bonne, en plus, elle était à peine en famille, quoi. Mais j'ai pas le sentiment Shuma. Le sentiment, quoi? Non, mais je sais pas. Le sentiment de la colère, du coup, c'est la Ah oui, honte, bah, c'est des quoi? parents, bah oui, la Ah, colère la des parents. colère des parents. Il a gâché sa barbe à papa. Et que c'est cher une barbe à papa, vu qu'on est à 40 dollars là. La soirée, moi je vous le dis, c'est-à-dire que la barbe à papa, elle est au moins à 5 balles, hein? Je pense qu'avec deux whisky et la grande roue de touriste, je vous ai fait Non, mais rire. c'est complètement. Manipulation. C'est toujours chiant, ça, les petits. Bon. Expression. Ouais. Ouais. Vas-y, vas-y. Accélérons là-dessus. Chouette. Super. Eh bien, tu es tombé sur des parents gentils qui, Les salauds. au lieu de s'énerver sur leur petite, Il va arracher une. viennent la saisir et la porter, et oui, s'en vont vers le marchand pour lui en racheter une nouvelle. C'est tellement mignon que je reprends un plein. Je reprends un poil là. C'est moche. C'est quoi, William? Du coup, ça picole et qu'est-ce que. Ça discute de quoi entre papa? J'oriente légèrement. Bah ouais. Un peu, ouais. Je voulais parler d'autre chose, mais c'est vrai qu'on vous avez tous les deux des enfants. Oh bah je pense que la discussion elle démarre dans dans un truc du genre putain mais dans quel merdier on se retrouve enfin qu'est-il arrivé de nos vies quoi, et on en vient à parler de nos familles sûrement. Oui, bah moi je pense qu'il y aura peut-être un petit moment en mode ouais les crises des enfants avec moi en mode en pensant à Hélène qui m'a fait une crise je ne sais pas pourquoi devant les devant les ils portiers, ont quel âge ah oui toi ils avaient ah moi ils étaient plus âgés enfin ils étaient je crois qu'elle avait 14 ans ou 16 ans déjà la plus âgée. Alors si je peux faire un petit pont entre vous deux. En calculant, du coup, pour lui, t'es quoi, les enfants qu'il a quittés ? Eh ben, y en avait un qui était à naître, et il avait un petit de 3 ans. Mais lui, ayant disparu il y a 20 ans, en fait, vos enfants ont le même âge aujourd'hui. Et toi, ils avaient, c'est ça, 16 ans et 14, et tu es disparu 4 ans. Donc oui, ça revient même, ils ont la vingtaine. Tous vos enfants ont la vingtaine aujourd'hui. Là. C'est ça. Moi, j'aurais jamais vu grandir mes enfants. Ouais, il y en a un que je connais même pas. C'est affreux. Ouais, je ne peux que. Je peux que réagir. J'ai eu la chance. Enfin, apparemment, il y a que 4 ans qui se sont passés. Donc, en 4 ans, ça grandit vite. Mais, enfin, oui, je. Combien de temps vous avez dit vous avez l'impression que vous êtes parti, vous Ça fait 20 ans. 20 ans. Ça fait 20 ans que je suis parti. William, promets-moi qu'on reverra mes enfants. Attention, une promesse de changement. C'est ça. De toute façon, nous allons bien voir ce qui s'est passé avec vous. Enfin, vous êtes le seul, pour le moment, sur lequel nous ne savons pas si vous avez été remplacé. Il y a apparemment de bonnes chances au vu de ce qu'on voit, mais peut-être que nous verrons peut-être vos enfants ainsi. Et n'ayez pas peur, mon cher Tekoa. Nous allons créer ça rapidement. En tout cas, je l'espère. Ça me fait penser à cette légende, à cette légende d'un poisson qui vivait dans la baie. Peut-être que à ce moment-là, j'apostrophe le mec derrière le bar en lui parlant de cette légende d'un petit poisson dans la baie qui avait perdu sa maman poisson et que à force de traverser la baie de part en part il finit par la retrouver enfin c'est vraiment un truc très épique. Vous avez bien assez bu, monsieur. en espérant provoquer une petite émotion chez le mec, tu sais, un... C'est assez un jet d'amour, ça. Après, l'exaspération, c'est un pincement au cœur du barman ou un... Mais non, mais je veux pas... Là, moi, je sais pas raconter des histoires. Mais mon personnage le fait. D'accord. Ah oui, c'est vrai que t'es un conteur. Alors, plutôt que ce soit l'histoire de Nemo, je te propose soit une vieille légende indienne, mais ça se trouve, Nemo va être une vieille légende indienne. Ouais. C'est l'animal totem. C'était une légende indienne. C'était une légende indienne. Ah oui, à tous les coups. Alors, tu vas me faire un jet de présence expression. Alors, ouais, c'est sur la tristesse, j'ai envie de dire. Donc c'est pas ta truc de quoi ? Non. Vas-y. Présence-expression. Présence-expression. Je regarde si je... Et ta spé compteur, là. Ouais. T'avais une spé, ça, un compteur. Ouais. Ça me fait un bonus d'un dé. C'est cela. Ah, c'est vrai qu'il y a les spé. Je peux déplancer du glamour. Non, c'est con, c'est un jet de glamour. C'est pour en récupérer. Ouais, c'est vrai que c'est con. C'est vrai que c'est très con. Après, ça dépend si t'en dépenses pas pour récupérer que... 3. Non, mais en fait, j'essaie d'assimiler aussi mes traits de machin, donc... Ok. C'est pourquoi, toi, que tu peux dépenser du glamour, du coup ? Pour tes jets de présence et composure, c'est quoi ? C'est le calme ? Calme. Ok. Allez, jette-moi ce truc. Peut-être moi ce poisson à la mer. Propre. Deux petits points de glamour. Hélène, tu me fais un petit jet de chance, s'il te plaît. Un des 10. Axel ? Hein ? Petit jet de chance, s'il te plaît. Pardon, excuse-moi, j'avais pas entendu. T'es ailleurs. 9. Easy Bobby. Alors, comment est-ce que tu pourrais... Parce que 9, il faut que t'aies de la chance, quand même. T'es une enfant. T'es pas loin du bar, alors que vous rapprochez de pour rechercher William et tes cohorts. Mm. Et à la téloche, il y a une histoire d'un tueur en série, là, dans les grands écrans, ouais. Où il passe des fois les matchs de foot et tout. Et simplement, tu t'écoutes deux, trois phrases et ils disent qu'il a été retrouvé très bêtement par la géolocalisation de son téléphone portable. Ok. Très bien. Bah écoute, le portable que j'ai subtilisé, il va finir à la poubelle. Poubelle. Ok. C'était bien dans un casier de garde bâclé. Hein. Oui. Oui, tout à fait. Je fais le lien parce qu'effectivement, en plus, moi, en tant qu'enfant... C'est ça. Je suis pas non plus hyper très très très avancé technologiquement. Et donc effectivement, dès que j'entends ça, première poubelle qui passe, je largue le téléphone, le smartphone, quoi. Ok. Bon. Et par contre, du coup, je vais retourner voir un peu tout le monde et leur dire que j'ai vu un truc qui m'a fait tilter, qui m'a fait un peu peur. Du coup, j'ai jeté le téléphone, le smartphone, mais que je, enfin, voilà, peut-être qu'ils ont déjà commencé à remonter notre piste, quoi. Bah, restons pas ici, alors. Sait-on jamais. Dommage. Oui, il est peut-être l'heure de rentrer, après tout. Oui. Après. Est-ce qu'on ferait pas un tour par le domicile de William? Pour voir un peu s'il est rentré, le fetch, s'il a pris ses habitudes. Sans pour le pas pour le pas pour l'attraper, hein, mais pour vérifier. On peut tenter. Moi je suis partant. On peut tenter. Après, ils sont pas bourrés les deux mecs, c'est bon, on peut tenter. Ah non, ils ont un verre de whisky. Il racontait une histoire bizarre, mais non, il était pas bourré. Okay, ouais. Il est juste bizarre. Il est juste après, chelou. Il paraît que les Amérindiens ont un problème avec l'alcool, mais je sais pas. C'est vrai, t'es quoi ou pas? C'est vrai que moi, à l'époque, en tout cas, je perdais pas une occasion de boire un coup, quoi. Ça c'est clair et net. J'étais pas un gros ivrogne, mais... C'est comme tous les peuples de la Terre, quasi. Ok, bon allez, donc on file pleine nuit. Alors là par contre, il y a un peu de une petite trotte. Tout on est à pied, ouais. Donc, je vous invite à... Oui, ben, ça va être chiant. Vous avez toujours la carte sous les yeux, pas loin, là, des quartiers. On peut pas prendre un taxi? Absolument pas. On va pas marcher? Vous pouvez tout à fait prendre un taxi. Juste pour la couleur, je vous dis que, voilà, vous êtes dans le downtown, donc dans l'espèce de creux de la baie à l'ouest, la baie Elliott, là. Et là, vous allez monter tout au nord, dans le quartier de Broadview. C'est l'un des derniers qui est inscrit sur la map. Donc, il y a une petite trotte, hein. Il faut traverser... à la moitié de la ville. Oui, bah ouais, soit on prend le métro, soit on prend le taxi, peu importe. Ok. C'était pour voilà, la taille un peu de la ville. Et on va changer de d'ambiance, puisqu'on arrive vraiment dans un quartier très aéré, avec du coup des pavillons classe moyenne, mais avec cette qualité d'environnement qu'il y a à Seattle, parce qu'on en bénéficie quasi partout d'une belle vue, de la présence de l'eau assez proche, et d'une vue sur l'océan. Broadview, hein, comme le nom l'indique, c'est face à la mer. Premier qui change le tue. Elle était où ta baraque, William? À quoi elle ressemble? Dans ce quartier de pavillonnaire. Ça reste, je pense, un truc assez classique, hein, de truc américain. Visionnaire, enfin, je sais, j'ai envie de dire, tu sais, la petite maison, version américaine, quoi. Alors, plutôt la question, ça va être, est-ce que tu as gardé, toi, la maison familiale, ou est-ce que tu as déménagé, comment ça s'est passé? C'est la maison où tes enfants ont grandi? Oui, c'est la maison, ouais, c'est ça, je pense que j'ai gardé la maison. Il y a le côté un peu sentimental, je pense, où, comme je disais, c'est juste une phase, quoi, pour moi, à la base. Hein, je pensais qu'elle allait revenir quand même, bon, malgré quelques... Okay. Voilà quoi, il a mal accepté son divorce. Voilà, c'est tout. Ça marche. Alors oui, effectivement, je sais pas si ce quartier est desservi par le métro, donc peut-être le Uber vous lâche pas loin. Le quartier est totalement endormi. Hein. Y a quelques fenêtres qui trahissent une téloche allumée, mais c'est tout. Vous pouvez approcher de la maison de William sans problème, sans que des chiens à bois ou quoi que ce soit. Chaque maison est entourée d'un petit parterre de jardin. Bref. Et à l'approche de. Tu repères du coup la BMW, je pense, garée, arrivée à l'arrêt. L'une des chambres à l'étage, celle où était ton fils à l'époque, donc quand t'es parti, il avait quoi, 16 ans? On avait écrit. Donc c'était 14 ans, il doit avoir 16 ans maintenant. Attends. Ah, 18, on était parti 4 ans, toi. Oui, c'est 4 ans. Ouais, là, tu vois qu'il y a la lumière, genre trahissant une téloche ou un écran allumé, quoi. Et celle de ta chambre est éteinte. Mm. Petite question, est-ce qu'on voit, outre la voiture, la BMW, une voiture de flic ou une voiture qui serait banalisée avec des gens qui restent dedans? Eh bien, ça vaut un petit astuce plus calme. Of course. Avec un petit moins pour la nuit. Mais je pense qu'on est tous aux aguets, on peut pas faire un jet combiné ou... Si vous y tenez, ça fait plein de jets. Comme moins un, t'as dit, hein. Moins un pour la nuit, ouais. Bon, de succès, c'est top. Écoute, tu as l'œil, et puis un peu le sens hein, pour le danger latent, Elaine, ouais. Par ton ancienne fonction. Rien ne semble trahir de surveillance. Ok. Ou de présence louche. Personne dans les voitures, okay. Pas de voiture même, garée ailleurs que dans les allées prévues à cet effet. Ok, bah écoute, j'en fais part, mais j'en fais évidemment part à mes compagnons. Et c'est safe, y a pas de flic, y a pas de policier, pardon. Alice, toi, pour tout ce qui est rêve, il faut que t'aies un contact avec le rêveur. Enfin, tu peux pas, oui. Un contact pour rentrer dans sa tête? Ouais, ouais. Il faut que je l'ai en visuel. D'accord. Ok. Mais voilà, là, c'est carrément pas le cas. Non, je fais ça. Ok, bah voilà, vous êtes de nouveau devant un lieu. Du coup, c'est les embrouilles. Et du coup, on court partout. Vous voulez rentrer par effraction? Bah non, mais si. S'il y a un enfant dans cette maison, non, c'est pas. Alors, l'enfant a aujourd'hui 18 ans. Certes. Enfin, en sachant qu'il rentrait par effraction, techniquement, il est un peu chez lui quand même. C'est pas faux. Il reste qu'on sait pas, on sait toujours pas ce qu'il en est. C'est peut-être un piège. Et ta chambre, elle est au rez-de-chaussée, à l'étage? En tout cas, à l'époque, moi, ma chambre à moi, elle était au rez-de-chaussée. Là, au-dessus, c'est les chambres des enfants. Il y avait le bureau, la salle de bain, la grande salle de bain, enfin voilà. Peut-être que quelqu'un de discret pourrait aller voir si on voit quelque chose à travers les fenêtres. Ok, je vais aller voir. Comme ça, au moins, si quelqu'un me voit de l'extérieur, il aura l'impression que c'est moi qui regarde, il ne posera pas de questions. C'est son propriétaire qui est dans le coin, quoi. Enfin, ok. Alors, quelle fenêtre t'intéresse, celle de ton fils, bah, qui est à l'étage, celle de ta chambre? Non, j'ai déjà regardé, ouais, plus de côté de ma chambre, plus, bah, déjà de voir un peu le rez-de-chaussée, quoi. Ok. Bah, rez-de-chaussée, oui, du coup, tu as le grand salon, et puis ta chambre. Il doit y avoir des espèces de rideaux tirés, mais un interstice qui dévoile l'obscurité, qui permettrait peut-être de deviner ce qui se passe à l'intérieur. Eh bien, pas de... À moins de... Pff, non, il n'y a pas de jet là pour t'approcher de ces fenêtres et regarder à travers. Okay. Bah, le salon semble en ordre, hein, rangé, je ne sais pas si t'es quelqu'un de... tu reconnais ta maison comme... Comme à l'époque, quoi. C'est ouais. Pas, je reconnais, genre, il y a bien genre, les photos de famille qui sont présentes et tout ça, quoi. J'ai pas déménagé. Ouais. Non. Ouais, ah oui, non, bonne question. Il y avait ta voiture. Bah, il y avait ma voiture, mais ça aurait pu être un piège. Et bah, voilà, c'est pour ça que je vérifie quand même que je vis encore là, on va dire. Non, il y a des, je sais pas, il y a de voir quelques changements en 4 ans, hein, mais pas. Oui, il y a une nouvelle temps, télé, ça, ouais. Avec une sono et tout ça. Oui, bref, le matériel IFI vidéo a évolué avec le temps, magnifique, la consommation. Et du coup, alors que tu t'approches un peu de, bah, tu quittes les fenêtres du salon pour t'approcher de celle de ta chambre. Il y a un moment où, en t'approchant, tu vas être pris d'un espèce de frisson glacial, quoi, mais qui commence comme si tu passais à travers un espèce de champ magnétique. Et en réponse, alors que tu t'approches de la fenêtre, quoi, tu entends un glapissement à l'intérieur, au niveau du lit, quoi. Et la lumière de chevet s'allume instantanément. Que fais-tu ? Bah, je pense que je vais me plaquer pour éviter de me faire opérer, quoi. Vous êtes de l'autre côté de la rue, du coup, vous voyez la lumière s'allumer dans la chambre, et puis vous voyez la silhouette sombre de William s'affaler sous le rebord de ta fenêtre, c'est ça ? Oui, je pense, oui, bah, c'est... Enfin, c'est le réflexe à la con, il y a quelqu'un qui allume le truc, je me jette à terre pour éviter d'être devant le... Devant okay. La fenêtre, quoi. Alors, laisse-moi voir un peu ce que j'ai dans ma manche. Ouais, mais pas grand. Tu regardes des salauds, je... Est-ce qu'il a... Ah oui, pardon, putain, je suis grillé. Oui, parce que je joue avec sa feuille et il voit. Et oui, parce que du coup, bon, bah, les autres, ceux qui ont joué la campagne précédente, savent, hein, vos fetch, en fait, sont des copies parfaites en capacité magique de vous, quoi. Et donc, je regardais tes contrats, là. J'ai vu. Du coup, bah, vous, les autres, vous voyez les rideaux entre dans l'interstice, et puis toi, tu vois du coup juste simplement des mouvements de lumière. Et mais la silhouette du fetch qui regarde par la fenêtre, quoi. Et bah, du coup, là, cette fois, tu vas me faire ton jet de dextérité discrétion. Yep, bon, bah, dextérité discrétion, en sachant que j'ai les 9 qui relancent. C'est quoi pour lancer un scalpel, du coup ? Plein œil, pour tester la théorie de la douleur qui serait connectée. Du coup, il y a un des autres fetch, je ne sais pas si vous vous souveniez, c'est que ouais, si vous vous approchez à moins de 15 mètres, et inversement, quoi, il y a cette espèce de sensation qui trahit la présence de l'autre, quoi. Ouais, mais enfin, c'est-à-dire. Discrétion, si vous attendez, je vois pas. C'est parce que c'était lui, là. C'est furtivité. Oui, c'est parce que ça aurait été. C'est la troisième en partant du bas de physique. Oui, c'est vrai. C'est dextérité sport pour jeter une lame. Ah ouais, oh, c'est cool ça. Mais c'est pareil, vous voulez jeter des lames et tout? Non, non, non, c'était une question comme ça. Okay. Vous êtes où les trois autres, là vous êtes dans le fourré? Bah comme ouais. On l'espère, mais ça marche pas bien. Ça marche. Eh ben, pause bio. C'est vraiment où le cliffhanger. Le cliffhanger. Tu suis. Yep. Est-ce que j'ai une piste dont je suis sûr qu'elle est pas. Non. Bah au pire, je coupe tout. Voilà quoi. Je coupe tout, dans le doute. Ouais, dans le doute, coupe tout. À tout de suite. Tout de suite. Bah, si elle est stable. J'ai relancé. Oh, mais même instable, hein, tant pis. Hein. Parce que toi, c'est un peu ce qui t'a ramené, soi-disant. C'est Ouais. Alors, oui, tout à fait. Familiale. Oui, si jamais, effectivement. C'est vrai, j'avais oublié ça. Si elle a fait du mal à ma famille, elle va. Non, après, je refais pas les mêmes trucs d'une campagne à l'autre. Ça va être... Moi, je vais voir comment je la gère, je vais voir comment elle est. Mais on... Alors. Oui, pardon. Plus de musique, d'accord. Nous avions William accroupi sous la fenêtre, le fait de William qui s'est réveillé en sursaut, a priori glacé jusqu'au sang par une étrange sensation similaire à celle de William. Il s'est approché de la fenêtre, il n'a pas vu William, et là il a refermé violemment les rideaux pour. Et puis c'est resté allumé. Que faites-vous, du coup, tous les trois, William? Tu entends que ça farfouille dans la chambre, mais qu'est-ce que tu veux qu'on te faire à t'attendre, quand tu attends que ça se calme, quand tu pénètres en force, quand tu cries? Non, je vais essayer de continuer, tu sais, mais d'aller voir cette fois peut-être au-dessus. J'ai compris que je suis toujours ici à cet endroit-là, quoi. Apparemment, okay. Maintenant j'ai un chien, ce qui ressemble à un chien, je crois. Hein? Non, c'est pas ça qui a fait ce bruit. Non, t'as pas dit qu'il y avait un bruit de. J'ai dit quoi? Non. Que quelqu'un a fouillé. Ouais, c'est plus ton fetch qui fouille dans la chambre, qui bouge des choses en tout cas. T'entends que ça farfouille, quoi. Ok, non, mais je sais pas pourquoi. J'avais cru comprendre que quand il y a la lumière qui s'était allumée, il y avait un autre truc. C'est moi qui... Non. C'est moi non, qui... Non, moi j'ai pas entendu dire ça. Non, mais c'est moi qui... Ok. Petite question, t'étais pro-arme ou pas? Bonne question. Sinon tu jettes un jet de chance. Il a clairement une gueule de républicain. Je... Il va faire un, il y aura un stock d'armes. Le profil... Le profil... Bonne question, je t'avoue. Il y a des chances. Comme nombreux Américains, une arme sous l'oreiller. J'ai peut-être une arme. Allez, vas-y, attends, on va faire. On va lancer le D10. C'est vrai que j'ai pas du tout. Ouais, je crois, j'ai le. Ah non, mais là, c'est toi qui as de la chance. Donc, c'est toi qui. Tu choisis la solution qui vous arrange. Je pense que, en fait, je devais avoir une arme, mais j'en ai peut-être plus maintenant. Mais je sais pas. Oh bah. D'accord, donc t'as le jet de chance, mais tu veux que... D'accord, très bien. Bon. Oh putain. Bon. Merde. Alors, tu entames une escalade. La Tips, par exemple, t'as parlé ou pas? Oui, j'allais dire, on va taper à la porte ou on y passe? Ouais. Donc, vous attendez pas, alors que vous voyez William qui est en train de tenter une escalade jusqu'à la chambre de ta fille ou de ton fils qui est éclairé. Fils éclairé, fille pas éclairée. Tu tentes une escalade, c'est ça, hein? Oui. Moi, ils m'ont demandé d'aller voir. Je suis en train d'aller voir. Je suis pas trop en train de regarder ce qu'ils font. Donc, Ça marche. Ouais. Pour ce qui est de l'action entendement à tous, je le dis, ça, vous avez pas besoin de que ça soit expliqué dans le lore avant. C'est intuitivement que vous pouvez l'utiliser aussi. Donc c'est au prix de un point de volonté, ça vous permet de capter toute présence fantastique alentour. Je vous le dis une fois comme ça. Quand tu dis capter toute présence fantastique, on est capable de les dénombrer ou on... C'est comme un espèce de scan, de sonar, de ping, mais en une fois, quoi. Elle reste pas active après, mais vous avez une espèce de sonde d'énergie qui balaye les alentours, quoi, et qui vont révéler les éléments fantastiques. Ça compte aussi pour les autres créatures fantastiques du monde des ténèbres. Ok. Me diriger vers la porte. Hein. D'accord. Je reste derrière toi et je sors mon taser. Je suis couteau à la main. Ok. William, je pense que tu escalades sans mal, hein. Il y a de nombreuses prises, il y a un chéneau. Et pardon, j'ai oublié, je t'ai posé la question, mais quelle fenêtre tu regardais? L'éclairé, enfin, où il semble y avoir une télé, là, tu disais que ça donnait un peu l'impression d'une télé. Ok, tu reconnais ton fils, mais qui a grandi, quoi. Vieilli même, si 18 ans, c'est un jeune homme désormais. Il te voit pas parce que ses fenêtres doivent refléter ses écrans. Lui aussi, c'est un gamer. Enfin, en tout cas, il est devant un stream. Décidément. Une belle chaise de gaming, la totale. Et le casque sur les oreilles. Est-ce que c'est le stream de la cale ? Alors, malheureusement, non. Ah, merde. Mais peut-être est-il devant Geek & Sundry américain. C'est beau. À rigoler. Tu vois qu'il... Ça sent fortement l'herbe, hein. Il est en train de un gros joint. Je pense qu'il y a un peu le parent qui est en train de soulager que il y a toujours son enfant, parce que il y avait un peu la peur de plus revoir son fils, parce qu'il avait apparemment sa femme est partie en Europe, hein. Donc voilà. Et un peu la désapprobation quoi de le voir il va se retenir, il frappe à la porte, à la fenêtre. Oh c'est ça. Les trois autres, vous arrivez devant la porte principale. La lumière est restée éteinte. Oui. Je sonne. Ok. Tu sonnes. Toi à l'étage, William, tu vois ton fils qui réagit. Enlevant une des oreillettes de son casque, tu vois. Et rien ne se passe. Alice. Personne ne vient ouvrir pour l'instant. Il n'y a plus de mouvement, a priori. Plus de son. Pas de... Ouais. Je ressonne. Alors, c'est toi, William, tu es toujours accroché à ta fenêtre ? Oui, je reste, je regarde. Le fils enlève ses deux écouteurs, vous entendez crier dans la chambre « Papa, ça sonne !» Parfait. Je ressonne. Putain ! Et tu le vois jeter son casque. Tu le vois ouvrir un espèce de coffre où il a l'air d'avoir tout un tas de merde. Il sort un fusil à pompe et il ouvre sa porte de chambre et il descend. Moi, je pense que je suis un peu estomaqué parce que je vois. C'est quoi cette famille ? C'est lui qui a dit qu'il y avait plein d'armes partout. On a tiré juste avant. Tu ne connais pas les gens qui sonnent à la porte. À 1h du mat. À 1h du mat, je suis le pire voleur du monde. Je sonne. America, fuck yeah. Je vais essayer de redescendre. En faisant merde, merde, merde, merde, merde. Et en lançant, qui est le con qui est en train de sonner parce que moi, je sais pas que c'est eux. C'est pas moi. Ok. Ouais. La lumière du salon s'allume. Vous voyez la petite. Il y a des petites fenêtres vitrées sur la porte principale, elles sont éclairées. Et vous entendez une nouvelle fois la voix du fils, donc une voix de jeune homme pour vous, qui crie Papa ! Sans réponse, vous voyez une silhouette qui se montre pas par la fenêtre et qui dit c'est qui ? Il s'appelle comment ton fils ? On n'avait pas décidé, mais je sais pas, on va l'appeler Donald. Allez, vas-y. Donald. Bah oui, ça reste un nom courant américain. De canard ou de président ? Ah mais t'es vraiment un républicain. Non, alors, bref, alors, ça... il n'était pas encore terminé. Ouais, Alice, t'allais ouvrir la bouche peut-être. Je le vois. Bah tu vois qu'il est, il s'est pas montré, il est derrière la porte clairement, ouais, mais il a l'air de assez flippé. Il a juste crié, c'est qui ? D'accord, donc il est pas, je veux dire, il regarde pas par la fenêtre, il voit rien pour l'instant. Non. Je vais lui dire, je m'appelle Alice, je suis une amie de ton père et j'ai quelque chose de très important à lui dire. Est-ce que tu peux ouvrir, s'il te plaît ? Papa ! T'es où ? Y a une fille pour toi ! attendez une minute. Tu l'entends, a priori, se diriger vers la chambre de son père. T'entends que ça ouvre une porte, ça regueule une fois, puis étouffé et tout. Putain, il est où? Ça revient vers ta porte. William, tu peux faire ce que tu veux. Hein. Les autres. Oui, bah moi je pense que c'est à ce moment-là, je vais finir de redescendre, voir que ceux qui sont en train de sonner, en fait, sont mes collègues. Et je fais, mais qu'est-ce que vous faites? Le but, c'était pas qu'on sache discrètement ce qui se passe. Moi, je retourne voir à la fenêtre de la chambre. Moi, je vais faire le tour de la maison s'il y a un jardin et tout. Ok. Ah, bah, je te laisse faire le tour du jardin. Moi, je vais rester avec Alice. en tout cas, son père n'étant pas présent, la porte s'entrouvre. Voilà, Alice, tu vois, du coup, jeune homme de 18 ans, t-shirt, calbut, tu vois, la nuit, quoi, l'œil un peu fatigué, tu lui vois pas d'arme, hein, il l'a laissé caché d'un côté ou de l'autre. Il dit, vous avez dit que vous êtes qui? Mon père est pas là, je comprends pas, il y a sa voiture dans l'allée, mais il est pas là. Il est pas là? Je vais faire un jet d'entendement maintenant, là. Ok. Enfin, je sais pas si c'est un dé, c'est... Non, c'est instantané. C'est juste, je claque un point de volonté. Ok. Eh ben, que vas-tu ressentir? Tu ressens pas la présence. Tu ressens peut-être un reste de portail à l'intérieur de la maison. Ok. Et rien alentour, quoi. Qu'est-ce que vous lui voulez à mon père à cette heure-là? Il se passait quelque chose? Il lui arrivait quelque chose? Je vais prendre l'air extrêmement peiné, puis je vais lui dire non, il lui est pas arrivé quelque chose à lui. On est des amis de longue date. C'est étonnant qu'il t'ait jamais parlé de moi d'ailleurs. Est-ce que je peux entrer pour t'expliquer? T'es quoi? T'es en vue du gamin ou pas? Ouais, quoi? Je suis derrière Alice. Et lui? Bonjour jeune homme. Bonjour. Enfin bonsoir. Oui bonsoir. Désolé pour l'heure tardive, mais. Oui. Et vous êtes qui? Je suis un ami d'Alice et votre père et il fallait. Mon père, je connais pas d'amis depuis. Et là en plus. Faut un jet. Alice, je crois que toi. Allez. C'est parti. On est sur On est sur... C'est un peu du mytho. Remarque, non, t'es un ami. Ou ta présence, je sais pas si tu lui fais de l'œil. Tout comme d'habitude. Je sais pas, on le combine ce jet pour... Tu peux filer un coup de main, bien sûr. Présence-persuasion. Présence-persuasion. Mm-hmm. Ah, t'es, ok. Waouh! Fil 3D. 3D bonus, c'est ouf. 3D bonus, putain. Moi je vais pas me forcer du coup. Hein. Je vais faire une présence persuasion plus 3. Il a tellement l'air sympathique cet indien. Et il a une. Wow. Ouais, je sais pas, il y a quelque chose de rassurant dans votre duo. Mais après, c'est vrai qu'en vous regardant tous les deux, vous savez pas. Putain, un chat, c'est quand même extrêmement bizarre. Mais pas inquiétant. Hélène, je te laisse pas tourner en rond. T'as vite fait le tour de la maison, t'en rendant compte que personne n'avait fui, quoi. Du coup, t'as fait le tour complet et tu peux les voir à l'angle de la maison qui sont en train de discuter et qui s'apprêtent à rentrer. Tu sais pas où est William. Moi, je pense que tu sais, je suis pas très loin parce que je leur avais dit vite fait deux trois trucs. Donc, je pense que je suis sur un des angles, tu sais, du. Vous êtes aux deux angles alors, avec les lignes. Okay. C'est ça, voilà. Alice était quoi? Il vous laisse rentrer, vous découvrez du coup qu'il avait effectivement ce fusil à pompe là, qui a l'air totalement fonctionnel, qu'il a posé sur le côté. Ouais. Il dit asseyez-vous, vous voulez quoi? Un verre d'eau, un fruit, un truc? Vous voulez l'attendre là? Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler au boulot, mais je le vois pas partir sans sa voiture, c'est bizarre quand même. Ouais, il devrait bientôt arriver, il n'y a aucune raison qu'il soit loin. Oui, on veut bien un thé. Tu peux préparer un thé, s'il te plaît? D'accord. Un verre d'eau, ce sera très bien. Ouais, va faire chauffer de l'eau. Du coup, on est tranquille pendant quelques... Dès qu'il s'en va, je préviens Alice qu'il a fui par un portail, quoi. Ok. J'ai pu tuer un peu le portail ou... Ouais, ouais. Ça a l'air d'être en sous-sol, a priori, dans l'espèce de garage ou cave qui est accès. Évidemment, je le dis à Alice. Je sais pas comment t'as trouvé ça, mais c'est très bien. Et... Bah du coup, je vais sortir mon téléphone et je vais envoyer un texto à William qui dit « Je crois que c'est le moment de reprendre ta place. » Ok. Like that. Oui, enfin, je... Toi, je... Ouais, je vais peut-être rejoindre vite fait Hélène, déjà, et lui montrer le texto. Reprendre ma place. Il va pas revenir, l'autre Je sais pas pour l'instant, mais en tout cas, à une enfant de 7 ans, ce qu'il faut faire au niveau parental. De quoi? J'ai pas compris. Oh non, c'était une blague. C'est le papa qui demande à une enfant, ton avis, non, qu'est-ce que je fais? Non, mais c'est... toi, je m'inquiète plus de me retrouver face à moi-même et face au truc, quoi. Et je fais bon. C'est une belle opportunité. Oui. J'espère que ça va aller bien. Je vais lui tapoter le t-shirt ou le truc qu'il a, tu vois, genre histoire qu'il se fasse tout beau, tout propre. Ok. Et tu rentres du coup? Tu sonnes? Bon, je vais pas sonner. Je pense que je vais rentrer de façon. T'es chez moi, quoi. C'est okay. Ça, quoi. Donc, Hélène, tu l'accompagnes ou tu restes dehors? Moi, je vois pas trop ce que je vais aller faire dans le tableau, en fait, donc je vais rester dehors. Mais toute personne n'est à sa place dans ce tableau. Ouais, là, on est sur du tout là. Je vais tu les deux autres assis dans ton canapé, quoi. C'est ça. T'entends ton fils qui prépare un thé, t'entends la bouilloire qui commence. Ouais, okay. Sauf que je vais faire un premier truc déjà. Je suis dans l'entrée. Je vais regarder le. Tu sais, c'est genre il y a le bol où on met les clés ou comme ça pour prendre les clés de la Mercedes. Alors, c'était une B, marrant. Ça change tout. Il a deux voitures. Non, on s'en fout. Ok, ouais, vas-y. Dès que tu rentres, je te dis, il n'est plus ici. Fuit par un portail. Apparemment, au sous-sol. Ouais, toi, je... Vous voyez que je... Bah, j'allais dire, je fais une drôle de tête, mais je sais pas si vous voyez réellement ma tête. Voilà, quand je suis... très peu créatif, on avoue. Tiens, on voit la mort. Moi, je suis pour. Hein. De quoi tu... On voit la mort et la moue. Pardon. Ah oui. En tout cas, si tu rentres dans le salon, je t'accueille très bruyamment. Ah, ok. Du style... Ah oui. William, enfin, mon vieil ami, je suis content de te revoir. Alice, que faites-vous là? Ah papa, oh, tu le vois qui sort. Ah putain, alors là tu découvres ton fils, quoi. Il a même un peu de poil au menton. Poil au menton. Je fais genre de faire une accolade à William hein, quand il arrive. T'es où? T'es sorti? Qu'est-ce qui se passe? Tu les connais? Je les connais. Son père est un bon ami par rapport au boulot et tout ça, mais j'ai laissé une partie en cours, moi. Ils ont demandé un thé, j'ai mis de l'eau, mais je suis pas sûr de ce qu'il fallait mettre dedans. Je vais m'en occuper. Je remonte à ma partie. Ouais, merci Donald pour l'accueil. Ouais, c'est ça. Putain, gros rust. C'est ça, je fais... Ça me fait un choc de le voir. Ça fait que 4 ans, mais... Hélène, tu vois tout ça par la fenêtre, du coup, toi? On voit un texto, hein, je peux rentrer. Ouais, je pense que ouais, on va t'ouvrir genre le... Qu'est-ce que tu fais la fenêtre arrière. Qu'est-ce que tu voulais qu'il nous dise? Mais évidemment. Bordel. C'est pour la blague. Je dis, bah, y'a personne qui est passé par derrière, en tout cas. Mais non, en fait, il n'est plus ici, il est passé par un portail. Ah, donc ils sont bien comme nous, ils peuvent faire tout comme nous, quoi. Ouais, c'est ils ont la même que nous, et ils peuvent ouvrir des portails, donc... A priori, ça peut être... En tout cas, ce qui... Ouais. Pardon. Mais comment il a su que t'étais là, William? T'as fait du bruit? T'as fait un truc? Non, j'ai pas fait de bruit. Attendez, toi, genre, je fais comme si j'écoutais si le gosse était vraiment en train de jouer. Je l'entends sûrement en train de rager. Calme, du coup. Astuce plus calme, ouais, ok. Tac, astuce plus calme. Alors attends. C'est deux attributs, étrangement. Ouais. Tac. Oui, mais c'est le fameux truc de vigilance, perception. C'est le fameux monde des ténèbres qui fait un truc étrange. Deux. Écoute, alors que tu t'inquiètes simplement de ce que fait ton fils et de savoir s'il est bien remonté. Avant de parler plus avant, eh bien tu devines son pied nu dans l'escalier. Il a l'air à moitié accroupi et tu vois qu'il a son téléphone comme s'il était en train d'essayer de vous filmer. Ok. Et il est vraiment, tu vois, limite. Enfin, et il est plutôt orienté vers Alice. Ah merde! Eh oui, de ouf. Ah putain, j'espère qu'il est pas en live. Le live. Alice. Kishi Warm. Toi, je vais juste leur faire, tu sais, peut-être en tournant le dos à mon fils, toi, je vais juste faire, tu sais, genre un chute aux autres. Mmh. Et je vais refaire. Je vais prendre l'eau. Attendez. Je vais vite fait dans la toute façon dans la cuisine. Déjà, je vais prendre un couteau parce que c'est vrai que j'ai aucune arme et je suis en train de me dire que sait-on jamais, ça peut être pratique. C'est vrai que pour égorger son fils, c'est utile. Hein. Non, je vais pas égorger mon fils. Bah, faut le punir. Attends, ça. C'est... Mais non, mais j'ai juste le punir. Mais toi, je prépare le truc, toi. Je veux dire, ouais. Je ramène l'eau et peut-être au moment où je vais faire un. Je vais regarder du en haut de la comment de l'escalier et là je le vois, j'ai fait Donald remonte jouer ou fait je sais pas quoi mais il bleu, tu vois, il manque de faire tomber son téléphone je pense qu'il va se planquer dans sa piole. Après il est quand même quasi adulte hein, mais c'est pas un ado populaire, oui, hein. C'est... Je sais pas si. Non, il cherche pas à justifier. Il pouffe, ouais, et puis il prend son truc, il remonte. Mais tu vois qu'il parle. Ça, il retourne son téléphone et il parle, tu vois, à quelqu'un. Et il monte dans sa chambre et il ferme sa porte. Bon, je pense qu'on. Oui, je sais pas ce qu'il a fait, mais. Ces jeunes avec leur portable. C'est. Ah, c'était déjà chiant avant, mais ça doit être encore pire maintenant. Mais enfin bon. Il a sûrement reconnu Alice, là, apparemment, sur l'ordinateur de Sean. On t'avait vu partout. T'avais l'air connu. Oui, c'est possible, oui. Bon, enfin. C'est un moindre mal pour avoir récupéré la maison de William, non? Oui. Ouais, enfin, je. C'est pas dit qu'il va peut-être revenir. Enfin. Bien sûr qu'il va revenir. Bah, bien sûr ça. Qu'il va revenir, mais pour l'instant, on a la supériorité du nombre. Après, le risque, c'est qu'il ne revienne pas seul. C'est ça, oui. Qui me fait peur, moi. William, t'as trouvé tes clés, tes papiers, tout? J'ai pris les clés de la voiture, mais oui, des papiers. Oui, les papiers, je vais aller voir ça. Bah, je vais regarder, toi, si je trouve pas, tu sais, bah, mon... Je pense que si, tu retrouves permis de conduire, carte d'identité, il est parti en quatrième vitesse. C'est ça. Il s'est chié. Bah, je vais précipiter au sous-sol pour ouvrir un portail et disparaître, quoi. Donc tu as ton identité, en fait. Ok, bah je récupère tout. Je vais peut-être voir toi si je peux trouver aussi des infos sur l'utilisation de la carte de crédit, parce que je sais pas si les numéros changent en Amérique ou c'est différent. Enfin, j'en sais rien non plus. On va la jouer à l'européenne. Et, d'accord. Et du coup, je pense que ton fetch l'a changé. Mais après, tu es toi et avec tes papiers. C'est-à-dire que tu peux pas t'en servir en immédiat, mais. Enfin, remarque, non, du coup, on va faciliter. Mais de toute façon, je suis sûr que ton fils, il connaît le code. Oui. Il a piqué ta carte, c'est clair et net. Ou le raconte PayPal. Oui, enfin, ouais. C'est... Enfin, bon, voilà, enfin, c'était juste les. Technico-pratique. Donc toi, moi j'ai peur, c'est que. Je vais dans la garde-robe aussi, je vais récupérer des vêtements, hein, je s'avoue. Ok. Et t'as pas des questions qui te brûlent un peu les... Parce que ton fils, il a fait comme si il t'avait vu rentrer il y a pas longtemps, là il te revoit. Mais, Oui, non, mais je... De quoi ? Après, je sais pas. Non, mais oui, je sais pas s'il y a des questions qui te brûlent les lèvres. Je pense que j'en aurais, mais toi je me sens déjà un peu je pense que le fait d'avoir les trois autres aussi en bas, ça me dérange un peu, quoi, parce que toi j'ai envie d'en discuter toi un peu personnellement avec le fils, quoi, mais juste on peut complètement te laisser ici, hein. C'est ça, mais pour le coup toi je vais déjà voir avec eux en mode il y a au moins ce qu'il faut là pour payer notre soirée à l'hôtel. Il y a la voiture, si vous voulez l'utiliser, je peux rester ici. Je vais essayer de voir avec. Enfin, je veux reprendre le temps avec mon fils, mais j'essaie de voir. Il faudrait qu'on peut-être cherche vite fait ensemble si on trouve pas autre chose qui peut expliquer. J'ai quand même disparu 4 ans et enfin il y a un truc qui m'a remplacé, donc il y a peut-être une explication quelque part pourquoi j'ai été remplacé ici, non? Ouais, et je comprends la joie que t'es de retrouver ton fils et ta maison, mais je suis obligé de te dire que il a fui par un portail et dans ta maison, et je pense qu'il peut revenir par ce portail dans ta maison, et si on sait pas quelles intentions il a, moi je serais, enfin, je te proposerais c'est soit qu'on reste ici et qu'on surveille ce portail, ou qu'on barricade, ou j'en sais rien, mais vous entendez une voiture qui se gare dans l'allée. Ah bah, on va voir instantanément. Ceux qui regardent à la fenêtre voient deux jeunes hommes en sortir et monter assez rapidement vers la porte d'entrée. Ils sont armés, ils ont des trucs particuliers ou c'est juste des jeunes de 18 ans C'est des jeunes de 18 ans. Oh putain, il a rappelé ses potes. T'as des fans, Alice. Moi je suis d'accord avec Teko, il était où le portail, tu sais? Il était au sous-sol. Ouais, j'ai senti force là-bas. Là ou un truc comme ça, je veux bien monter la garde, hein, et puis le premier qui passe, je te préviens, on file. Hein. Moi je vais pas rester dans la maison, hein. Ça semble être compliqué, je pense que je vais retourner à l'hôtel. Ici, ça sonne. On va être trop nombreux et on va attirer l'attention. Dis-je. Vous voyez des regards interrogatifs, curieux et souriants qui regardent par la fenêtre. Je peux aller fermer les rideaux ? Oui. Ouais, je vais fermer les rideaux. Je peux aller ouvrir. Tu peux aller où, Tim ? Ah ouais, je vais aller ouvrir. Tu vas leur faire plaisir. Ah oui. Ok. Ils sont comme des cons, tu vois. Ils bougent pas. On peut récolter qu'une seule fois par jour ? Non, du tout, tu peux récolter autant de fois que tu veux. Je peux faire la moissonneuse batteuse. Ah, là. Bah, je vais le rouvrir avec un grand sourire. Bonsoir. C'est Alice le nom que tu cherches. Bonsoir. Non, on est des amis de Donald. À 7h. Il nous attend. À 1h du matin. Tu... Il se met des coups de coude. Oh, mais vous êtes un ami de la famille. Une amie de la famille. Oui, tout à fait, c'est ça. Je suis un ami du père de Donald. Mais je vous en prie, entrez. Ah bah, vas-y toi. Non, vas-y toi. Bon, il rentre. Il y a de l'émotion à récolter ou pas? Oui, grave. Surtout qu'il y en a un qui va essayer d'oser te demander un selfie. T'as, je... Ah. Est-ce que ta forme de changelin qui apparaît? Avec non, non, non, le masque reste dans les... Ah ouais, dans les captations, ouais. C'est vrai que c'est très truc. Si, je vais faire un selfie avec lui. Ouais. Ok. Avec le hashtag, hein, attention. Hein. Mais bon. On est d'accord. Ouais, pas de problème. Et bien là, du coup, tu peux me faire un petit jet. Présence. Ça va, vu que tu n'es pas très. Ouais, attends. Si, y a, comment c'est séduction, c'est quoi le truc le plus proche? Séduction, c'était un peu subterfuge, mais... Ouais, t'as subterfuge, t'as empathie, t'as expression, t'as persuasion... Empathie, voilà, c'est... Ouais, non, ouais, on va rester assez passif, toi, tu n'as qu'à te montrer, en fait, c'est beaucoup lié à la photo, hein, pour l'instant. Bah, oui, mais c'est pas de ma faute, hein, c'est... Non, c'est très bien. En même temps, je suis un peu connu pour les photos. Moi, je comprends pas trop cette pratique, je dis, bah, attendez, vous voulez que je la prenne, la photo, là ça... Il y a le fils, hein, qui est descendu aussi. Tu vois. Pourquoi t'as un foutu indien dans ton salon? Bah, non, arrêtez, par contre, je suis un citoyen américain. Il y a un indien dans la ville. Ça suffit maintenant. Non, pardon, monsieur, est-ce que vous pouvez quitter le cadre de... Enfin là, on va vous voir. Décidément, ça me dépasse. Et je... Viens avec moi, on... J'ai un truc, toi je pense que j'avais peut-être des bouteilles, tu sais, dans la cave, il y a des bouteilles dans la cave que je dois te donner. Ah ouais, ouais, ouais. ils vont picoler, ils laissent Alice en pâture aux trois jeunes. Mais c'est genre, toi, je vais peut-être pour me mettre un peu plus loin et dire, bon, ouais, faut qu'on regarde sur la cave ce fameux portail là. Il y a le frère qui fait. Le fils qui est descendu et qui fait semblant de discuter avec ses potes, mais bon, toutes les secondes, il louche vers toi, Alice. Ouais, j'ai fait 3 succès, je reprends 3 points de glam, c'est ça? Ouais. Bah, je suis attaqué, nickel. Personne ne semble trop faire attention à toi, Hélène, dans toute cette histoire. Bah, je vais suivre les garçons, parce que moi, mon idée, c'était de montrer la garde devant devant le truc, donc si. Sérieux? Du coup, on laisse vraiment Alice avec les 3, là, les 3 charreaux, là? C'est Hélène et les garçons. Ah, on les laisse entre jeunes, quoi. C'est normal. Je pense qu'Élise va être ravie. Bah, si, pourquoi pas. On va rigoler, passer un bon moment. après, le but, c'est de remonter. Mais toi, là je voyais que ça allait partir peut-être en cagouette. C'est pour ça que je ramène Tekoa, moi. Ok. Il y a quoi dans ta cave atelier? Il y a peut-être ton... Une espèce de coffre-fort à armes dont tu as parlé. Et pour ce qui est du reste de portail, en tout cas le lieu où tu l'avais localisé, donc il y a juste dans le couloir une petite porte qui mène à un escalier qui descend à pic vers l'atelier, qui en fait peut s'ouvrir sur l'allée pour garer la voiture, mais il y a tellement de trucs de stocker que voilà, la voiture reste dehors. Et où est-ce qu'il a ouvert le portail? Il l'a ouvert dans un espèce de renfoncement placard, justement ce qui servait de cave, quoi, la cave à vin. Je me demandais, je me posais une question de sur les portails. Ouais. Imaginons que là, il a laissé son portail pour globalement aller de A vers B. Ok. Ouais. Si on se met du côté de B, on voit quoi? Du coup, on voit le portail et on peut passer au travers, ou comment ça se passe? Depuis l'ail? Non, depuis le monde réel. Tu vois, si on est dans... Ah là, il aurait fait portail réel jusqu'à un lieu réel, c'est ça que tu dis ? Non, pas du tout. Imaginons que, là, tu vois, on est dans une salle à manger, ouais. Il y a une porte vers la cuisine, ouais. Et le mec, il était dans la salle à manger et il a ouvert le portail comme s'il allait dans la cuisine. Ouais. Ok. Et nous, on est dans le monde réel, on est dans la cuisine, qu'est-ce qu'on voit ? Au moment où il est ouvert, le portail ? Au moment où il est ouvert ou au moment où il se réouvre, en fait. Est-ce qu'on voit le portail ou est-ce que on voit juste un mec pop en mode pfioum, et quelqu'un ? Je pense que vous le voyez. Non, vous voyez le portail, vous voyez le paysage de la haie de l'autre côté. D'accord. Et le mec, comment on le voit sortir ? Voyez ? Parce qu'il va pas sortir face à nous, du coup. Ah ! Tu vois ma question ? Vous êtes de l'autre côté. C'est ça. Je pense que vous voyez la présence d'un portail, mais non, vous voyez la réalité, quoi. On voit la haie que d'un côté, que du bon côté. Ok, d'accord. Et il faut, on va dire, c'est pour simplifier, pas se faire un nœud au cerveau, il faut le prendre dans le bon sens. Ok. Mais et là, donc, il est éteint. Enfin, on peut théoriquement, du coup, passer de la pièce à l'autre sans problème. Oui, ouais, là, voyez, c'est Tekoa qui ressent vraiment un infime reste, mais vous voyez la cave à vin, vous pouvez aller dans la cave à vin sans problème. Ok. Pardon, c'était juste pour le côté pratique. C'est une bonne question. Qu'est-ce que vous voulez foutre là ? Après, on peut aussi ouvrir un portail simplement pour évaluer la haie de l'autre côté, sans le prendre, quoi. Bah ça c'est une question que je pose. Hein. Qu'est-ce qu'on fait ? On le réouvre tout de suite ? On attend que quelqu'un sorte ? Le côté qui serait cool, c'est si le mec est juste resté à proximité en mode il surveille ce qui se passe. Effectivement, peut-être qu'on pourrait l'attraper à ce moment-là. Le côté moins cool, c'est que s'il est parti pour ouvrir le portail, je sais pas quelle incidence ça a. Est-ce que les trucs comme nous, ça le sent ou pas, je sais pas quoi. Je sais pas, mais... Réfléchissez à ça, je remonte la pauvre Alice. Je fais appuyer mon fils. Ça parle de quoi, Alice ? T'as aucune ref, ça va être compliqué. Hein. Tibbs ? Ah, on a perdu. Non, pardon, ouais, j'ai pas écouté. Excuse-moi. Non, je disais, ça parle de quoi ? Parce que t'as aucune ref, ça doit être compliqué. En fait, j'essaye de leur tirer des vers du nez de qu'est-ce qu'ils ont préféré dans mes dernières, mes derniers événements, mes dernières photos. S'ils sont fans de moi, ils en savent plus sur moi que moi, peut-être. Alors ouais, je pense que au vu de leur profil, ça doit pas être des fans, mais ils te connaissent de vue, ils t'ont reconnu comme étant une jeune femme connue, et puis ils doivent, comme tout mec jeune et un peu connecté, ne pas, comment dire, rechigner sur le scroll de photos de belle nana. Oui, j'imagine. Donc, je sais pas s'ils ont un événement notable ou un truc ou un machin. Ouais, ils ont compris que t'étais Alice parce que ça se ressemble. Mais c'est pas si évident parce que vous devez travailler sur votre ressemblance avec Ellie. Mmh. Mais simplement, du coup, ils vont te demander mais où est passée Ellie parce qu'il n'y a plus trop de photos avec vous deux ces derniers temps. Je veux sortir un mytho quelconque. Ça va bientôt revenir. Elle se sentait pas très très bien ces derniers temps. Faut pas s'inquiéter. Ok. En tout cas, ils adorent ta dernière collection hein, parce que tu fais une espèce de streetwear chic. T'as créé ta propre marque. Ah c'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire streetwear ? Je sais pas du tout dire quoi streetwear. Je suis ravi que ça marche. Et puis je regarde la montre que je n'ai pas en fait, du coup je regarde l'horloge plutôt, et je me demande bien ce que font mes trois collègues. Bon, je pense que c'est le moment où William vient de sauver les miches. C'est ça, je reviens et je vois tout le truc, je fais « Bon, fiston, c'est pas tout ça, mais Alice était venue me voir pour des soucis avec... monte avec tes potes. » Papa, tu connais Alice Hall ? Mais d'où tu la connais ? C'est l'hôtel. Et je connais son père, oui. Enfin, mais t'en connais d'autres, des gens connus, parce que jamais tu m'as jamais dit ce genre de truc. Est-ce que j'ai vraiment besoin de tout te dire ? C'est moi le père, c'est toi le fils. Et les études, alors, ça se passe bien. Mais tu sais bien que j'ai tout abandonné. Mais j'ai des bonnes pistes de boulot, là. Bon, je remonte. Bah, salut les gars, vous avez votre photo, cassez votre chez moi. Je pense que toi, je vais faire la gueule en apprenant qu'il va... qu'il va lâcher les études. Bon, ces deux potes, ils ont leur selfie, ce cas, ils sont contents. Bon, bah, au moins ça c'est fait. Bon, vous avez trouvé quelque chose en bas? Une cave à vin, ah. Et une cache à armes. Un portail fermé. Grave, en fait, on a de quoi s'armer, en fait. Bah oui, c'est possible aussi de s'armer, oui. Pour cette fin de nuit, vous voulez tous rester ici? Bah, tous, non, peut-être pas, mais... Le pauvre Sean, il va se réveiller tout seul, paniqué. Ouais, non, moi, je vais retourner à l'hôtel, hein, comme prévu. Oui, oui. Moi, je me oui, propose oui, vraiment pour... Mais moi, chez moi, ouais, j'ai peur aussi pour... Pour William et son fils. Hein. Mais du coup, en bas avec tes quoi, je dis alors, du coup, on ouvre ou pas? Vous n'avez pas besoin de dépenser de charme, hein, enfin de glamour pour ouvrir un portail déjà existant, il suffit de faire un jet de weird. Ah. Et vous savez, il est où le portail? Exactement. A priori. Bah, il... Ah ouais, ouais, ouais. Non, c'est ça, le... Il serait là en bas, l'entrée de la cave à vin. Ok. Dans ton attirail, t'as pas, je sais pas. Une mine? Ouais, par exemple. Non, il n'y a pas une mine. Une petite clé mort classique. Non, non, mais je veux dire, il y a moyen de. Comment? De condamner la cave à vin, la fermer à clé. Après tout, s'il revient et qu'il n'a pas les clés. Hein? Alors, oui, c'est vraiment un passage. Y a plus pas de un renfoncement, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Faudrait mettre un mur parpaing, quoi. Alors, je veux dire, le portail est dans la cave à vin. Enfin, si tu veux, il y a le. C'est l'arche de la cave à vin. Tu veux fermer les. Ouais, c'est. Il n'y a pas vraiment de cave à vin, si tu veux. C'est un renfoncement en béton à vin. Ah, oui, il n'y a pas vraiment. C'est pas. Il n'est pas au milieu d'une pièce, il est dans l'arche, en fait, le truc. C'est ça, ouais. En fait, ouais. Pour ouvrir un portail, il suffit qu'il y ait un symbole d'ouverture, un cadre. Donc, oui, bah, je. De toute façon, enfin. Je vais rester ici, il y a mon fils, ma bataille, quoi. Tout ça. Ouais, mais ouais bien en sûr. Plus, mais... En plus, elle s'en est allée. Mais bon, non, je vais en savoir plus, je vais... Mais... Non, peut-être... Et... peut-être qu'on peut, oui... Hélène, je sais pas, c'est... Tu vas bosser demain? Je sais pas si je vais bosser, je vais peut-être vous aider. Ouais, je vais peut-être appeler. Enfin, je verrai demain matin si j'appelle l'hôtel. Désolé. Mais ouais. Moi, je te refais ma proposition hein, de rester campé là. En bas, ça me dérange pas, vu où on a dormi la nuit dernière. Un petit matelas ou un. Comment ça s'appelle un sac de couchage et. Un oreiller et je monte la garde. Ouais, enfin après faut pas se faire opérer. Enfin si mon fils vient, si il voit qu'il y a une gamine à la cave. J'avoue qu'une gamine enfermée dans une cave à vin, ça sent mauvais comme truc. C'est ça, j'ai pas envie de me dire. Mais voilà, y a... En même temps, il a été vu par la police avec une gamine perdue. Bon, alors en tout cas. Alice rentre. T'es oui. Quoi bah, je demande à Alice si elle veut rester toute seule avec Sean à l'hôtel. Non, mais il y a deux chambres, il se démerde. Ah. À mon avis, on risque pas grand chose à l'hôtel. Hein. Si t'as peur pour William, enfin, c'est toi qui vois, hein, t'es grand. Bah, William, ça te dérange si je reste chez toi. On sait jamais si il ressort par le portail que. Qu'on soit plusieurs au moins à pouvoir le réceptionner. Oui, bah, si vous pensez au pire, il y a bien une chambre d'amis. Je vais juste indiquer que bah Hélène, tu feras passer pour peut-être la petite fille de Tekoa. Ah, y a un air de famille en plus. Mais le problème c'est que dans la chambre d'amis on est loin du portail et on aura peut-être oui non mais voilà, enfin, peut-être. Après, Elaine peut se planquer quelque part dans la cave. Hein. Oui, dans la cave, moi je peux me planquer sans problème, je pense. Hein. C'est ça, c'est juste que si je prépare le truc, c'est pour pas que Donald se pose des questions. Non, t'as raison. Mais il descend beaucoup la cave avant, c'était ma question de tout à l'heure. Mais j'en sais rien, ça fait 4 ans que je suis pas là. C'est pas faux. Je comprends le. Ok, bon, allez. Donc, Alice est rentrée à l'hôtel. T'es quoi et donc, dans la chambre d'amis. Enfin, la chambre d'amis, il n'y en a pas vraiment, c'est la chambre de ta fille. Hein. Mais, après vérification, elle est vide. Ok. Ton fils est retourné à son ordi. Si tu veux lui parler, tu peux. Et puis, Elaine, quant à elle, est à la cave, cachée quelque part. Simplement, si tu veux avoir une entrevue avec ton fils, c'est maintenant, puisque quelques heures après le départ d'Alice, effectivement, le portail va se rouvrir. Donc, dans l'intervalle. Oui, je pense que j'aurais discuté avec lui. Ok, donc on va pas le faire en RP, mais simplement, oui, quelle information tu aurais voulu avoir de lui ? Oui, je veux dire, le truc tout con, mais est-ce que ça va ? Enfin, comment ça va en ce moment ? Enfin, tu sais, c'est genre les questions. RP, là, du coup, mais qu'est-ce que c'est avec papa ? Qu'est-ce que... Il est 2h du mat, qu'est-ce qui se passe ? C'est qui ces gens ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Il y a un changement. Voilà, mais c'est ça, mais je pense que toi, ça fait chelou pour lui, ou voir, toi, c'est genre les questions ultra embarrassantes que le fils a pas envie de répondre, genre, tu sais, au bout d'un moment, est-ce que t'as une copine, machin, les études, non, faut bosser, enfin, toi, je suis un truc... Ok, non, mais voilà, mais toi, sur sa situation à lui, c'est assez simple, hein, tu comprends qu'il... Ouais, il a l'air de vivre un peu sur tes fonds, et t'as l'air assez permissif, en tout cas ton fetch avec lui. D'accord. Tu vois un maximum de matos, d'après ce que tu comprends, il n'y a pas trop d'activité. Oui, il a un peu joué sûrement sur la concurrence père-mère pendant longtemps. Maintenant, il est installé chez toi, temps plein. Et je vais quand même poser aussi les questions sur s'il a eu des nouvelles de sa mère pour tu sais genre en mode bon bah en savoir un peu plus si son prénom tu me dis t'as des nouvelles de ta mère c'est toi ça et après essayer aussi d'en avoir un peu sur peut-être sur mes habitudes. Toi, mais je sais pas trop comment, tu sais, en un peu discret, en mode bon, il y a des amis là qui arrivent, je vais peut-être pas pouvoir bosser demain, il y a des problématiques. Est-ce que j'avais besoin de t'amener quelque part, tu sais, ou est-ce que j'avais un. Genre, toi, genre, prêcher le faux pour essayer d'avoir la vérité, quoi, on va dire. Non, pas qu'il sache, rien de spécial demain. Ok. Bon, j'ai pas trop d'autres idées comme ça, je t'avoue. Je pense que je passe plus de temps à essayer d'en savoir le plus des 4 ans qui sont passés sur mon fils qu'autre chose. Quoi. Oui, on va pas ça pour. C'est ça. Quoi ? Non, mais je comprends que ça se fait, ça se fera pas en RP, mais voilà, c'est. Du coup, ouais. Ta fille travaille à Vancouver. Je sais pas quel était son talent, est-ce qu'elle avait un truc qui lui plaisait plus particulièrement. Donc elle a passé la frontière, elle vit au Canada, pas très loin, un peu au nord, mais elle est indépendante, elle y bosse, je sais pas si ça vaut le coup qu'on en parle. Bref. Voilà. Et leur mère, a priori, le fetch, c'est plutôt rattaché le bon vouloir de ses enfants, il y a eu une engueulade, et puis elle est partie refaire sa vie en Europe, en France, disons. Elle aurait rencontré quelqu'un... Voilà. Mais du coup, t'es plus proche de tes enfants que elle, et elle est partie. Ok. Bon, voilà. Donc je sais que j'essaie de faire parler la famille, toi, s'il y a de la famille dans le coin, parce que je sais pas si on avait de la famille qui était revenue ou pas. Je sais qu'on en a pas parlé, mais bon, Autre, d'autres membres de la famille, je sais pas si t'as encore tes parents et tout ça. Ouais, non, ok. Non, mais voilà, c'était juste, je me posais la question. Peut-être je posais la question comme ça, mais peut-être il va rien dire de plus, quoi. Ok. Et toi, tu te couches, du coup, après ? Ouais, je pense que je vais me coucher. Dans ton lit ? Bah, encore chaud de ton fetch ? Putain, bizarre. Non, mais je pense que je vais avoir super mal de dormir le truc, mais bon... Je profite, tu sais, bah, c'est peut-être la première fois que je vais pouvoir redormir chez moi, quoi. Après, ça reproduit un schéma de fuite que vous aviez dans la haie, à savoir Elaine qui fait le guet et qui vous protège, je sais pas. Comment dire, ça peut. Tu la sais, quoi, éveillée et sur ses gardes, quelque part. T'es quoi, toi, tu vas te coucher, tu veilles, tu fais quoi? Je préviens Hélène que je vais essayer de dormir que d'un œil. Si elle commence à fatiguer, qu'elle n'hésite pas à me demander de la remplacer. Pas de soucis. Voilà. Ok. Je vais me reposer en attendant. Simplement pour la couleur, Alice, lorsque tu rejoins le Fairmont Hotel. Sean ronfle, il a l'air passablement. Il a dû boire toutes les petites bouteilles qui traînaient dans le minibar. Voilà. Mais du coup, il rêve, enfin, il dort. Donc je sais oui. Pas si... Ah, justement, oui. Okay. Je vais essayer, ça va être mon action de la nuit, je pense. Okay. Je vais essayer de pénétrer ses rêves et de les adoucir. De. Comment dire ? Bah, tu sais, j'ai une option du style psychanalyse. Bon, c'est peut-être pas une psychanalyse, mais je vais essayer de faire qu'il soit moins traumatisé par tout ce qu'il a vu et qu'il soit plus. Ça marche. Voilà, plus en forme, quoi. Ok. Et ben, je te propose de simple. Ouais, si, on va le jouer pour voir un peu à quoi ça ressemble. Vitef. Bah oui. Ouais. Alors. Oui. Le monde des rêves, ça faisait long. Non, simplement qu'on prenne un peu l'habitude. Du coup, alors, pour pénétrer les rêves de ce cher Sean, oui. Première étape. Première étape, ça ne me coûte absolument que dalle. Car tu as un contrat. Car j'ai un contrat et que je peux lui mettre la main sur la tempe. D'accord. Bah, très bien. Du coup, c'est instantané. Hop. Effectivement, tu découvres Alors attends, ça te permet de rentrer, mais ça te permet d'analyser ou pas tout de suite? Est-ce qu'on décrypte à ce point-là? Oniromancie, chevaucher un rêve. Je crois que ça me permet de rentrer et de sculpter éventuellement. Mais bon, si je peux sculpter, je peux chevaucher, hein, c'est pas... C'est le niveau d'en dessous, quoi. Après, là, toi, ton intention, c'est psychothérapie, astuce, empathie plus weird. Voilà. Moi, l'intensité du rêve. Ah, l'intensité. Ouais, l'intensité du rêve, ça, faudra voir est-ce qu'il est comment, est-ce qu'il est calme ou est-ce qu'il est en plein cauchemar ou en plein délirium très mince. C'est un jet d'astuce plus résolution. Du rêveur. Du rêveur. Donc de Sean. Merde. Regardez, parce que... Les embrouilles. Par défaut, astuce. Oh, il doit être astucieux, notre cher Sean. Par contre, il va pas être très très résolu. Je m'en vais jeter 4D. Je vais lui faire un profil la prochaine fois. Donc, c'est une intensité de 2. Ok. Et du coup, je t'en prie, ouais, jette. Astuce plus empathie plus weird moins 2. Afin de l'aider. Puisqu'effectivement, il est dans un plein cauchemar ou dans un rêve très troublé où il voit à la fois un mélange d'autorité, de figures d'autorité mélangées entre quelqu'un qui a l'air d'être sa mère et le docteur, comment elle s'appelle là, l'autre là, qui l'engueule. Il voit sa maison brûler symboliquement. Enfin voilà, des trucs comme ça. Pas cool. Ouais, donc j'essaye clairement d'une part en fait de rendre les événements du rêve moins violents ou de les apaiser totalement quoi. Et puis je pense que je vais apparaître avoir une discussion directement avec lui où j'essaye de le calmer, de lui expliquer des trucs, voilà quoi. Ok. Allons-y donc, c'est astuce, empathie plus weird. Moins 2. Moins 2. Alors... Et alors si je dis... Ah non, là, ouais, celle-là, il n'y a pas de danger de dépasser l'intensité en nombre de succès. Lorsque tu cherches à influencer ou à changer, là, il faut rester en dessous de l'intensité, donc c'est dur aussi. Yep. Alors, empathie. Présence. On a perdu Chucho sur... Non, je suis là. J'ai cliqué sur le bouton précédent de ma souris. J'ai la spécialisation des rêves, donc du coup, je vais mettre que moins 1. Ok. Présence, empathie, weird. Je vais craquer un point de volonté parce que je tiens un Sean. C'est beau. Du coup, je passe de moins 1 à plus 2. Easy. Bah, j'en sais rien, on va voir. Easy. Voilà. Regarde-moi ça. Donc, tu nous en vas l'apaiser. Quel souvenir vas-tu le laisser de cette nuit de rêve? En fait, je vais essayer d'apaiser son angoisse, ses craintes par rapport à l'avenir, en fait. Je vais essayer de lui dire que la suite devrait être plus passionnante que dangereuse. Ok, donc plus sur l'aventure. Ouais, voilà. Genre, t'es en train de vivre ta meilleure vie, quoi. T'étais fan des... des super-héros ou des trucs un peu surnaturels, et te voilà les deux pieds dedans, profite, quoi. Puis on sait que les héros, ils peuvent pas trop mourir. Bah, ils gagnent à la fin, en plus, ouais. Alors, par contre, les sidekicks, souvent... Pas les sidekicks, solo. Merde, et lui, il est quoi? Non, là, il y a un petit... Tu vois, il y a failli un dérapage, hop, tu ramènes. le rêve du bon côté. Ok, Hélène, où est-ce que tu es cachée dans la cave? Eh ben écoute, je vais me mettre côté cave à vin, donc comme en utilisant la théorie que je te demandais tout à l'heure, en me mettant en fait, histoire que le mec qui arrive, il soit de dos quoi. Super. Ouais. C'était d'où la question en fait. Non, mais je pense que effectivement ça marche. Et je pense que ouais, j'ai les yeux, tu vois, je suis en tailleur, deux lames, je dois avoir un scalpel posé à côté de moi et les deux lames des couteaux sur mes genoux, tu vois. Ça marche. Même si en vrai, je m'attends pas à ce qu'ils reviennent aujourd'hui, quoi. Je me suis dit qu'on allait avoir un peu de temps de répit, mais pas du tout, a priori. Non, après quelques heures, effectivement, mais peut-être sont écoulées 4 bonnes heures de calme complet. Tout le monde, il n'y a plus de bruit à l'étage. Je sais pas si tu médites ou tu somnoles ou tu dors. En tout cas, quoi qu'il arrive, tu risques pas de. Je me chante une comptine. Ah, mon dieu. Creepy, creepy, creepy. Ouais, bah écoute. Hein. C'est la lumière en fait, hein, l'espèce de lueur magique quoi, qui commence au pied de l'angle gauche et qui remonte lentement comme si et puis le tout s'illumine et finit par être rejoint, la lumière se rejoint quoi, de chaque côté pour former une espèce de couche quasi liquide et dont il émane une lueur donc qui te prévient de l'ouverture. Il y a quelques secondes. Ouais. Je me lève instantanément, hein, histoire d'être en position de combat et être prêt à me battre. Et du coup, il se passe quelques secondes, hein, comme si on regardait de l'autre côté, on attendait de voir. Et tu devines, c'est comme si tu avais quasiment une vision en coupe de la personne. Bon, alors par contre, tu ne reconnais pas du tout le fetch de l'ami. D'accord. C'est une espèce de... Bah, pour le coup, de forme encapuchonnée à squelettique qui pénètre, on dirait clairement un squelette avec une toge. Hein. Tu lui vois une espèce de vieille lame dans un premier temps. Oui, il y en a un qui passe, mais il est suivi immédiatement par un deuxième. On dirait grosso merdo des Nazgûl. Hein. Ok, bah écoute, s'il y en a deux, je vais attendre et je vais me mettre dans un coin quoi. J'attends et dès que je sais pas si ça fait du bruit ou de la lumière, nos téléphones, bah oui, j'imagine que ça fait de la lumière. Du coup, je vais attendre voir ce qu'ils font. J'observe. Ils ont une vieille lame ébréchée chacun quoi. ils ne font aucun bruit quoi en se déplaçant. Derrière eux, après quelques secondes, le portail ne reste pas ouvert, hein, s'éteint, et vous êtes replongé dans l'obscurité. Il semble glisser, parcourant rapidement l'atelier cave du regard, et puis ils disparaissent de ton champ de vue, apparemment. Ok, bah alors, à l'instant, en fait, ils peuvent plus voir la lumière de mon portable. J'envoie un texto aux deux qui sont là, des ennemis dans la maison, et après, bah, je vais les suivre. Je vais complètement les suivre, et même pire que ça, c'est que en fait, je vais m'attaquer au premier directement, quoi. On n'attend pas. Non. Ok. Ils ont des lames. Les lames, elles sont sorties, on est d'accord. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Oui, ils sont pas là pour déconner. Effectivement, je vais engager le combat directement histoire de profiter de l'effet de surprise. Alors, je suis un peu content de pas être là. Y a pas un équivalent de vigilance? Je voulais voir si le SMS vous réveillait. C'est plus calme, non? Ouais. Ouais, c'est salaud, non? Bah, c'est salaud. Mais c'est la vie. Bah, moi j'aime bien l'idée. Hein. Moi, je veux bien SMS, faire, hein, SMS, ouais. Si. Pour le coup, vous retrouvez un vrai lit pour la première fois depuis. Ah bah non. Bah si, pour la première fois depuis très longtemps. Vraiment longtemps. T'es quoi, quand même dit qu'il dormait que d'un œil. Hein. Ouais, mais bon. Après, c'est vrai que. Comme il dit, hein, ça fait perpète que j'ai pas dormi dans un lit et. Peut-être que je me suis surpris à m'endormir profondément. Les pires vigiles du monde. Ah, mais de ouf. Bah, du coup, pour William, ça va être un jet de vigilance. Par contre, tu as le choix, t'es quoi, si tu veux m'avoir fait un jet de résolution, c'est-à-dire pour pas t'endormir, enfin garder, être resté. Alors, ça serait résolution et quoi, l'équivalent de. Vigueur. Résolution vigueur, c'est pas bête. Ouais. Au choix, du coup. Astuce calme ou résolution vigueur ta mère, hein. je vais faire un petit astuce plus calme. Ok. William, donc, pour être réveillé, tu t'es endormi. Mais bon, par contre, William dort à point fermé. Son lit. Ta grand-mère. Bon. T'es quoi, lui, qui est un habitué des bruits naturels et enfin le moindre petit son artificiel, donc typiquement un bip, c'est très bizarre à ton oreille, ça te réveille instantanément. Tu lis le contenu. Bah écoute, puis, que fais-tu? Je pense que j'avais le taser à portée parce que j'étais paré à toute éventualité, quoi. Mm-hmm. Je chope le taser et en essayant de faire le moins de bruit possible, j'essaie d'aller voir. Dans l'entrebâillement de ma porte, si j'arrive à percevoir quelque chose. Et si je vois rien, bah, j'avance vers l'entrée de la cave, quoi, parce que je sais que Hélène, si elle a mis un S à un ennemi, je me dis elle est toute seule contre plusieurs. Pour moi, fictionnellement, tu es dans la chambre de la fille, donc à l'étage. Ah, ok. Mais okay. Juste au-dessus, au sommet des escaliers, quoi, qui dessert les deux chambres des enfants. Tu peux avoir un visu sur l'entrée de la chambre de William, en tout cas c'est là qu'il se dirige, mais de toute façon Elaine nous a spécifié qu'elle l'attendait pas trop plus longtemps, donc je pense qu'elle les rattrape, elle rattrape le deuxième alors qu'ils sont en train de monter au rez-de-chaussée, quoi. C'est un peu ton intention, hein. Ouais, c'est ça, du coup je vais attendre d'être sorti des escaliers histoire de pas être en position trop désavantageuse, mais ouais, au moment où où ils arrivent, tu vois, où j'ai un peu d'espace au rez-de-chaussée, ou ouais, c'est ça, au moment où j'ai un peu d'espace au rez-de-chaussée, à partir en baston, quoi. Enfin, pas en baston, moi, je vais planter le mec dans le celui qui me fait, celui qui me tourne le dos le plus proche, qui va prendre un coup de lame. Ça marche. Lame, quoi. Bah, du coup, t'es quoi, depuis ton sommet d'escalier, si Hélène attend comme ça, tu les vois sortir de l'espace cave et se rendre directement, et ça a l'air d'être leur cible dans un premier temps, là, vers la chambre de William. Et du coup, ok, bah, moi, je tire un coup de taser. Bah, vous allez me faire... ouais, c'est vous qui déclenchez l'action, je pense. Ah bah, instantanément. Surtout si je vois Tekoa, alors là, c'est... Ok, c'est champ, quoi, j'ai d'initiative tout de même. Ouais. Pour le tour suivant. On a besoin, on faut qu'on décoche tout, hein, pour l'initiative, c'est ça, hein. Je crois bien, oui. Ok. Décoche. Merci le jeu. Pas ouf, hein. C'est pas foufou, hein. Alors. 15 pour Tekoa. Mais c'est toi qui déclenche l'action, Hélène, hein, pour moi. Enfin... Ouais. Ouais, je vais aller en premier donc sur ce tour-là, et après, ok, d'accord. Ok. Ouais. Ok. C'est Tipar. C'est pas la bonne musique. Bah, c'est-à-dire que ça peut bien se passer. Après, si, ça peut être complètement décalé, tu vois. C'est une jolie danse et ils sont trucidés au bout de quelques pas. La musique, là ? J'entends rien. Si. Ok. Relance, pardon. Alors, je t'en prie, décris-nous ton action et du coup, tu vas pouvoir les attaquer sans prendre en compte leur défense. Ok, bah écoute, le premier, bah, en fait je lui saute sur le dos et je lui plante la lame à la base du cou, quoi, okay. Vers là où il y a une clavicule, quoi, globalement. Ça marche, alors... Instantanément. Tu les as vus un peu évoluer, hein. Ils ne sont ni changelins, ni... Ça a vraiment l'air d'être des amoncellements d'os, quoi. Ok. Ah. Bah du coup je vais essayer de... Peut-être si j'ai vraiment vu que c'était des trucs et qu'il n'y avait pas de substance, pas ça, mais couper la... Enfin, non, je sais pas comment dire. Les dégâts fonctionnent pareil, donc oui. D'accord. Tu peux démantibuler les os. Ou... Bah, démantibuler l'os, effectivement, l'os de la clavicule, histoire que ce soit bien douloureux. Avec un bon vieux coup de coude. Ok. Donc, il n'y a pas de défense, c'est ça l'idée ? Non. C'est qu'il est surpris. Normalement, c'est bon... Putain, oh, mais quel enfer! Oh là là. Okay. Ah, j'ai une spécialisation, je sais plus ce que ça fait. Bah, ah, mais non, c'est épée, non, c'est épée, non, je suis une connerie. Ok. Zut! Ouais, comme tu dis. Du coup, on attaque un vrai tour. Putain. Et c'est le. Premier des deux squelettes, celui qui est en avant qui va jouer. Je pense que ton attaque a fait un grand bruit quand même. Enfin, tu t'es signifié ou pas ? Non, pas nécessairement. Je pense que j'ai pas gueulé. Ah, ok. Non, c'était en mode. Pour réveiller William. Mm. Bah, en fait, j'ai gardé en tête qu'il y avait le gamin, quoi. Oh, bien, ouais. Bah, William, tu fais le salaud, tu refais un petit jet de. Ah bah désolé, hein, désolé William, hein, mais... Il touche la baston, tu vas voir. Il va se faire traîner, ouais. L'ouverture de la porte, et t'entends des bruits bizarres, hein, tu te réveilles. Tu vois que ça bouge devant ta porte, tu sais pas trop encore. Fais-moi un jet d'initiative, du coup. Tu décoches tout, et t'as un jet tout en haut. J'ai réussi à rater quand même. Qu'est-ce qu'il fait, mon premier méchant? Il est devant la porte. Il entend que son collègue derrière se fait assaillir. Je pense pas qu'il ait vu Tekoa. Il va essayer de remplir sa mission. Hein. Il ouvre en grand la porte. Il parcourt la salle. 3 secondes, les rônes du monde des ténèbres. Il s'approche, il se jette sur William. Ouais, il a pas le... Pour moi, il n'a pas le temps de t'attaquer. À 3, ouais. Non, ouvrir la porte, c'est-à-dire il essaye de distancer son collègue qui va bloquer du coup la porte, hein, tant qu'il est vivant. Quoi. T'es quoi, c'est à toi. Si je me jette du haut de l'escalier, je tombe sur le... Sur celui auquel ouais, est aux prises avec Elaine, ouais. Disons ça. Eh ben, j'ai une pénalité de mouvement pour sauter de l'escalier ou pas? Attends, tu veux faire... C'est quoi ton but? C'est mon intention, c'est d'attaquer avec mes serres, mes pieds, en sautant du haut de l'escalier et essayer d'arracher le mec qui est en bas. Quoi. Nom de Dieu. Pour moi, c'est juste que tu n'auras pas de défense le tour prochain. Dites-moi, hein, si vous trouvez mes choses un peu limitées. Ok. Je vais faire ça quand même. Pour moi, tu peux faire... Donc, corps à corps... Ouais. Par contre, là, il a son... lui, il a sa défense. Qui est ouais, ouais, ouais, ouais, normal. Tire de dé, quoi. Ok. Force plus bagarre. Ouais. Et tes serres, elles font zéro ? C'est des galettos. Mais à zéro. Elles font pas un petit plus 1 ou... Non, y a rien du tout. Je vérifie hein, si j'ai pas un truc ou quoi. Petit Samir. Allez. La musique est... C'est toujours plus... Putain. Un petit succès. Tu lui fais un point de dégâts, mais ça va être long. Ah ouais. Ok. Très bien. Alors là, on a une égalité. Donc, mais vu qu'ils ne sont pas les mêmes aux mêmes endroits, bah, je vais te faire jouer William. Que fais-tu depuis l'intérieur de ta chambre? Tu as quelqu'un qui est là, il est vraiment au contact avec toi. Et, ouais, et tu reconnais une multiple forme de créatures sbires aux ordres de ton maître, quoi, des hordes de espèces de morts vivants. Qui passe sous toutes les formes, quoi, recréer. Ok, très bien. C'est un couteau de cuisine. On a dit que c'était un. Bah, tu peux attaquer depuis une arme, un couteau de cuisine avec un plus 1 létal. C'est-à-dire dégâts 1, quoi. En fait, quand tu attaques, tu vas sélectionner la dextérité, arme blanche, et puis l'arme. Et tu fais un jet d'attaque. C'est bon pour toi ou... Tu peux l'écrire avec TF, quoi. Non, c'est arme blanche. Arme blanche, ouais. Arme blanche. Je sais pas comment. Bah, je sais pas, on a mis quoi pour tes couteaux? Moi, j'ai un pour le couteau japonais, mais ils sont deux, donc je sais pas, ça change un truc, en fait. Non. Pour le coup, je pense que t'as pris plus okay. Le couteau que t'avais dans ta cuisine. L'arme blanche et tu fais jet d'attaque et modificateur moins 2 puisqu'il y a la défense du lascar. Ok. Ah oui, mais en même temps tu jetais 0 dés là hein. Donc, ok. Alors je vais juste jeter un des deux, enfin 1, 2, 3, 4, 1, 2 c'est pour Elaine, 3, 4 c'est pour Tekoa. C'est pour Tekoa. Du coup, tu vas subir une attaque de notre spectre avec son épée ébréchée, sans ta défense. Ok. Ouais ouais. Bah ouais. Non, je suis pas d'accord. Voilà, oui. Ça t'a normalement lancé un jet de chance ou un truc comme ça. Ouais. Non. Si. Là, ça l'a pas fait. Hein. Ça l'a pas fait, mais. Ah. Mais c'est censé le faire. Bah, jette un des 10 alors. Enfin, fais un jet de chance. Je change la musique, voilà. Parce que c'est dramatique. Et c'est le TPK sur le premier affrontement contre deux squelettes ghouls. Je suis pas là. Eh ouais, il restera un survivant, moi. Allez. C'est vrai. Les embrouilles. Ah, il y a eu un 10 déjà. Ok, tu prends 2 points de dégâts létaux. Pour l'instant, vous avez nulle armure, rien du tout. Hein. Que dalle. Ok, tu prends 2 points de dégâts létaux. Elaine, à toi. Bah écoute, on va continuer, hein. Je vais le bourrer de toute façon. Je suis accroché sur son dos et toc toc toc, j'ai un malus du coup, moins 2, c'est ça? Ouais, alors après, est-ce que quelqu'un se souvient dans le monde des ténèbres s'il y a un ennemi engagé contre plusieurs personnes? Non, il y a toujours sa défense qui... I don't remember. Après, on peut avoir des bonus circonstanciels du coup, hein, vu qu'il en plus qu'on est... On est en sandwich. Je crois que ça réduit sa défense. Je sais plus, mais il me semble. J'avoue, ça ne sert pas du coup, je ne sais rien du tout. Écoutez, pour l'instant, je vais la réduire de 1. Ça, ok. Ça. Voilà. Donc, Montrez-la qu'on est en Amérique. Non, j'allais mettre un plus 1 alors que c'est un moins 1. Tiens. Voilà. Enfin. Tiens, il va me prendre. Wow. Il va me prendre sacré, mon cher. Ok. Très bien. William, fais-moi un jet de chance. Non. C'est non. Voilà. On va entendre un. William. Putain, je viens de voir que j'avais mon micro qui était coupé sur le truc. Oui, alors. Bon. Ah. Ah, ça, on t'a jamais entendu sur la partie ? Si, on m'a entendu, mais à un moment donné, ça a pas relancé. Je sais pas pourquoi. Merde. Il est mort ou pas, mon adversaire direct ? Non. D'accord. Non, il est pas mort. Mais tu lui as vu tomber. Tu vas donc nous prendre un point de dégâts létaux, pardon, William. Ouais, alors. Tac, tac, tac. Comment on fait ? Je suis désolé, hein, c'est... Et santé, tu vois ta barre de santé ? Ouais, t'as le... Tu fais un clic, donc ça c'est le dégât contondant. Un deuxième clic, c'est le dégât létaux. Et quand c'est l'étoile, c'est un dégât aggravé, si je dis pas de bêtises. Mais les dégâts contondants vont succéder vers la droite, enfin comme sur une feuille de... C'est ça. Papier. En fait, tu remplis d'abord tes dégâts contondants s'il y en a, si je dis pas de bêtises. Mmh. Et après, ça se transforme, s'il n'y a pas de dégâts létaux annoncés entre temps, quoi, évidemment. Très bien. Putain. Les combats de fin de partie, c'est toujours. T'es quoi? Finis-le. Ouais. Moi, je saute. Je vais finir. Ouais, je vais aller finir celui d'Hélène, quoi. Enfin, essayer. Bah, immobilise-le, tu vois, s'il est. Ouais. T'es à moitié dessus. Hein. Vous êtes deux dessus, hein. Devant la porte, et vous voyez, vous avez une vue, vision, et j'ai pareil que j'ai pas trop donné de couleur à l'attaque précédente, sur l'intérieur de la chambre, où au sortir du lit, William s'est levé couteau de cuisine à la main, et aux prises, bah, vous voyez deux spectres, quoi, en train d'essayer de... Oh merde, c'est lequel, le nôtre? Toi, tu es dehors, en train de te battre, du coup, aux côtés d'Elaine, contre l'un d'eux, à la porte. Je t'en prie, fais ton attaque, moins deux. Enfin, moins un. Je vais reclaquer un truc de volonté. Les contrats et tout, vous avez rien de... Oh mais si. Oh, mais quel connard. Putain, quel ça. Je me disais, c'est quand même étonnant que personne ait pris le moindre contrat offensif. Je suis fatigué. Ça va être long. Non, puisque ce sont des poufs squelettes et Elaine lui a fait 7 points de dégâts létaux le tour d'avant. Ton modificateur, il est pas bon. Hein. Là, t'as un modificateur négatif alors que t'as mis tes points de. T'as cramé un point de volonté. Oui, pas relance... tant pis. Bah non. Bah là, il tombe. Puis je craque pas mon point de volonté. Et puis c'est... Ah d'accord, pardon. Oui, oui. Bah, un bon vieux squelette perdant, je sais pas, l'attention de son maître nécromant, quoi. Il s'effondre avec un doux bruit d'eau. D'os, pardon. Sous une cape digne, enfin, voilà, tel un Jedi qui meurt. Bah, il lui joue pas. William, c'est à toi. Le tien est en bonne forme et semble peu sensible à la peur ou au fait que son ami soit mort. Hein. Oui, bah, c'est de toute façon. Je me doutais que la peur, ça allait pas être le truc de toute façon à jouer avec lui. Je vous rappelle que aussi combat, il est possible de choisir d'esquiver, c'est-à-dire ne rien faire, mais vous doublez votre défense. Voilà, c'est une possibilité. Ouais, mais je vais dépenser... Alors c'est quoi? C'est 2 glamour. Ouais. Je vais utiliser le Frozen Moment. Le contrat est lancé au lever ou au coucher du soleil. Le changelin touche un objet, donc taille 3 max, et le fige dans le temps. Donc en fait, je veux toucher ça. Tu sais, prendre ça, comment ça, sa faux, là que tu parlais. Là, c'est une épée bouchée, genre une petite épée courte, quoi. Hein, qui... D'accord, ok, je croyais que c'était une faux que t'avais dit, c'est pour ça. Ouais, donc bah, ça, ouais, je vais pas prendre l'épée courte à la main, c'est très cool. Tu peux, hein. c'est un risque, c'est un jet, il faut que tu jettes un jet, donc pour moi je vais te mettre un tout petit malus et c'est possible de le tenter. C'est toi qui me dis. T'es toujours dans ta piole, William ? Bah oui, je suis toujours dans la piole, j'ai pas trop le temps de faire autre chose. Tu envoies la couverture dessus et tu fiches la couverture. Alors là, ouais. J'avoue que c'est un truc à la con, mais oh putain, ouais. Après, bon, les vieux Elder Scrolls, là, tu sais, quand on tassait des objets, puis que les enlevait les autres de dessous, puis il y en avait un qui restait au milieu et qui barrait le chemin. Je sais pas si vous avez ça. Bref. Je vais faire ce que je pensais faire à la base. Enfin, voilà, c'est ce qu'a pensé mon gars en premier, donc... Genre, c'est quoi, bah, je vais essayer de toucher son arme pour la figer. Ok. Quel est le jet du contrat? Alors le contrat c'est astuce plus weird. Ok, écoute, je vais faire rentrer en action sa défense, étrangement. Mais parce que. Donc tu vas retirer 2 dés. Donc je fais ça, je fais moins 2. Bon bah, voilà. Ça foire, de toute façon, hein. C'est pas grand chose qui passe ce soir, pour moi. J'ai l'impression. Ok, il avait déjà joué. On reprend un nouveau tour. Ah non, il a une. Pardon. Je suis en train de réfléchir parce que moi je regarde mon contrat. Je vais utiliser accroche brûlante qui me permet donc de rendre un objet brûlant impossible à saisir à main nue. Okay. Donc je vais m'en servir pour son épée évidemment. Okay. C'est quoi la taille de l'objet là? C'est 1. Ok, moins 1. Ok, c'est un jet de force weird, moins la taille de l'objet. Moins. Hop. Et ma question, je ne sais plus. On peut faire que un contrat ou une action par tour, c'est ça, hein? Ouais. Ok, je vais claquer un point de volonté. Quand même. Parce que je tiens. Ah oui. J'ai une opposition à faire, moi, ou pas? Non, c'était visuel de mémoire. Je lâche automatiquement l'arme ou... A priori, il y a pas. En fait, vu que j'ai un malus sur la taille de l'épée, après, j'étais en train de chercher le contrat pour tout te dire parce que c'est dans Lords of Summer et que je l'ai pas sous la main et que le petit truc que nous a mis, c'est le change. C'est un rendre objet brûlant impossible à saisir à main nue, quoi. Donc, zut. En fait, je cherchais la clause aussi, tu vois, pour pas avoir à payer mon. Pour, Putain, mais je te faisais pas détailler les tiens. Non. Pardon. Pas de soucis. Attends, vas-y, fais-le, on résume, de toute façon. Voilà. Ça. Alors, en termes de narration, là, je pense que lui n'est pas tant sensible à la douleur provoquée par la chaleur. C'est toi squelettique. Mais le tout s'enflamme, c'est-à-dire il doit être assez poreux ça lui produit un poussiéreux, mais voilà, une espèce de moisissure sèche, quoi, qui s'enflamme au niveau de sa main. Et tu le vois secouer la main, enfin la lame tombe au sol, alors que lui conserve un peu de flamme et faisant un peu de lumière finalement dans la chambre. Là. du coup, je vous propose à 3 sur lui de finir ça narrativement. comment ça se passe? Du coup, vous êtes les trois. Là, son arme tombe sur le lit. Peut-être commence-t-elle à brûler un peu la couette aussi. Ah bah, moi, je me jette sur lui en essayant de lui enserrer les épaules, quoi, de manière à l'immobiliser, le plaquer contre moi, quoi, en attendant que les autres viennent lui tabasser la gueule. Alors, du coup, peut-être qu'on va essayer de pas le tuer. À voir s'il peut parler ou quoi. S'il a plus d'armes, il ne devait pas être très dangereux en mode squelette, quoi. Ok. Si vous êtes, ben, je me tourne vers mes compagnons. Ouais, non, moi j'étais plutôt d'accord. J'allais proposer la même, donc. Là, j'allais dire, c'est que c'est un peu William qui allait vous expliquer que ça sert à rien en gros. Ok. Ils sont vraiment d'accord. Une espèce de mannequin. Ah, d'accord. Des squelettes articulés, ouais, des marionnettes sans conscience, quoi. Ok. Après, oui, non. Ouais. Bon. Voilà. Du coup. Bon, bah, je pense que pour le coup, le truc, c'est qu'on va peut-être partir. Hein, on va pas rester dans le coin. De toute façon, je pense que c'est bien. C'est la fin pour aujourd'hui. Mais oui, dites-moi un peu vos intentions respectives. Moi, retourner en vrai, surveiller le truc tant qu'on n'est pas parti. Ouais. Me mettre au même endroit en fait, hein, tant que ça marche, on va s'en servir, hein, de ce petit pic. Voilà. Pour la petite histoire, le Smolder Grip, c'est bien à la vue. Ouais. Et par contre, il y avait écrit close, mais je vois pas la close. Moi, t'as la page ? Je sais pas. C'est 59 du Lords of Summer. Oh, merde. Attends, mais je dois encore l'avoir sur ma fiche. Bah, je l'ai, hein, moi je l'ai. Peut mettre un copier-coller, hein, mais ouais. Enfin, sinon, bah, pour le coup, moi je pense que, enfin, oui, on va faire vite fait nos clics et nos claques et on va se barrer. C'est si t'as un coup de soleil, la close. Pardon, la Wiccan. Ah, d'accord. Ok, ça va. Elle est rousse, elle prend des coups de soleil facilement, non? J'avoue. Grave, je vais rester un peu. Malheureusement, on est à Seattle, donc c'est un peu le problème. Pas bon. Sinon, ouais, je pense que on reprendra. Moi, je pense que je prendrai des vêtements et tout ça, et on prendra la voiture et on retournera à l'hôtel rejoindre Alice et Sean et pour leur expliquer. Et on fait quoi de ton fils? Et on peut récupérer des armes, bah, chez toi? Oui, il y a les armes aussi à récupérer. On peut essayer de récupérer les armes, ouais. Parce que n'empêche que il y avait plein d'armes dans la maison et on se retrouve. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais c'est juste. Est-ce que t'as des épées chez toi? J'ai de chance que j'ai fait, c'était ça. Si ton fils descendait avec le fusil à pompe ou pas, quoi. D'accord. Eh ben non. Je pense qu'il était trop stun, il a rien entendu. Ah, et il y a un jet de résolution pour plus vigueur pour résister à Smolder Grip, Axel. D'accord. Ah bon? Je le vois pas, attends. Non, mais moi j'ai le détail. Enfin, dans le bouquin, t'as un paragraphe quoi sur ce contrat. Bah ouais, mais. Faut regarder à succès, à chaque fois c'est là qu'est détaillé le. En cas de succès. Ah oui, pardon. Donc. Ah ouais! Bah donc ouais, je sais pas, oui, on récupérera sûrement des armes, mais bah le fils, de toute façon, bah on verra. Enfin, le truc c'est que je pense qu'en fait que le fetch va revenir, va sûrement revenir. Ouais, je sais pas. De quoi? Non, faut prévoir ce qu'il va faire par la suite, mais bon, écoutez, on arrête là, on discutera de ce qu'on fait la prochaine fois. Alice, t'as un mot de la fin? Au revoir. J'étais pas là, je n'ai pas grand chose à dire sur la fin, moi. Nazgul. C'était pas ma scène, tu vois. D'accord. C'est pas ma scène. C'est pas ma scène, tu vois. Bon. Eh bien, oui. La suite au prochain épisode. Ouais, je suis assez déstabilisé par la différence, mais c'est peut-être différence du joueur aussi, ou je sais pas, avec la précédente campagne. Mais moi, je trouve ça chouette. Bah, c'est cool en vrai. Bah, après, c'est toujours pareil. Hein. Qu'on prenne faut qu'on reprenne pied dans la réalité, quoi. Ouais. Je pensais pouvoir... Bah oui, mais de toute façon, si vous continuez à faire du bruit comme ça, je pense que les changelins locaux vont se manifester assez vite. Faut que vous arrêtiez vos conneries. Bah, c'est pendant, on n'a rien eu d'autre que passer dans la maison. Il n'y avait pas un truc alentour avec... qui aurait pu mais, être... Mais ouais. Là, pour l'instant, vous multipliez quand même des portails ou la création. C'est pas vous, bah, de toute façon, ouais. Comment s'il y a un changelin qui regarde les réseaux sociaux, je suis en train de faire un selfie avec un mec. C'est donc, pas vous. Attends, mais c'est quand je revois hein, si les changelins percent le masque, si le masque est fixé dans l'image. Chaque fois, j'ai un doute. Bah non, je pense que le masque couvre l'image de la personne sur la photo comme il le fait sur la personne, en fait. La vraie photo, ce serait ma tronche telle qu'elle est, en fait. Ouais, mais la question, c'est est-ce qu'un changelin, à travers une photo, il voit le masque ou pas, quoi. Ah non, je pense pas. Hein. Cartusian sauvage apparaît. Salut, Cartusian. À la prochaine. Pour moi, le masque ne couvre pas les photos, quoi. Enfin, ne couvre les photos, je veux dire. Mais bon, on a le temps de voir. Je vais juste vérifier, je pense que c'est écrit. Ok. Ouais, c'est-à-dire quand il n'y a pas de raison d'être dramatique au début, avec la découverte d'un fetch, et que du coup, les décisions quant au fetch reviennent à la personne dont c'est le fetch, c'est sûr que les autres peuvent se sentir un peu pas en droit de donner leur avis. Mais je vais faire en sorte que les menaces vous donnent corps au groupe. Enfin, je sais pas, en tout cas, comment ? J'ai pas senti l'idée qu'on puisse pas donner notre avis. Peut-être qu'on n'était pas prépondérant dans l'avis, mais on a tous plus ou moins avancé des arguments. Oui, oui, on a dit des trucs. Oui, oui, c'est juste enfin, le fait que du coup, les parties, si on prend ce temps-là, elles sont sous la couleur d'un personnage, puis d'un autre, puis d'un autre. Bah, moi, personnellement, ça me dérange pas du tout. Quoi. Oui, c'est clair. Ouais, ok. Ah ouais, et non, ben... pour le coup, il n'y a pas de soucis. Aucun problème. Musique de fin. C'est le final. C'est le final. En fait, c'est pas terrible comme film. Les 9 portes, là. La 9e porte, c'est ça. Ah, c'est mystique, mais c'est pas grand-chose, en fait. C'est long. Ouais. Ouais. Et puis, c'est un petit côté cheap, mais du coup, ça, c'est rigolo. Bref. Allez, bonne nuit. Ça va être bonne nuit. Est-ce qu'on fait un truc dimanche ou pas? Moi, je sais pas. Soit pas du changement, hein, du coup. Ouais, ah, enfin, je suis pas là, du coup. Mais... Ah, d'accord. Ok. Bon, bah alors, la réponse, la question est vite répondue. La question, elle est vite répondue. Pardon. Bah, on verra, de toute façon. Ok. Ok, ok. Allez. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao.